Son nom, xboxygène.com, on l'appelle Xboxy. Il est né en 2006 dans les hauts serveurs d'OVH et il est toujours de ce monde. Il est numérique, donc immortel. Depuis 10 ans, sa vie est faite de news, de tests et d'édito. Sans relâche, il affronte l'actualité Xbox dans un duel orthographique pour vous en faire profiter. Je suis un des leurs. J'appartiens à la rédaction qui a pour but de faire vivre ce site pour vous, lecteurs. Nous traitons presque toute l'actualité Xbox. À la fin, un seul survivra. Ça ne sera sûrement pas Kinect, mais peut-être Xboxygène. Oh la solitude. Bienvenue à notre petite fête des 10 ans de Xboxygène. 10 ans, vous imaginez ça? Il y a 10 ans, la rédac était jeune et insouciante. Ses membres ne mettaient pas 3 mois à trouver une date pour jouer ensemble sur le live. Certains d'entre vous ne savaient peut-être ni lire ni écrire. Bon, pour certains, c'est toujours le cas, mais on vous aime quand même. Bref, pour un site web, tenir 10 ans, c'est pas mal. Pour un site de jeux vidéo, c'est vraiment pas mal. Avec une rédaction totalement bénévole, c'est assez dingue. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est d'avoir duré une décennie en ne traitant que d'un seul et unique sujet, la Xbox. Alors, perso, j'en reviens pas, hein, mais comme quoi tout arrive. Alors bon, ça commence bien. Vous nous faites l'honneur et la joie de venir fêter notre anniversaire avec nous. Et voilà qu'on commence déjà par vous casser les oreilles et que moi, je balance des vannes un peu grasses derrière. Mais bon, on a 10 ans, les prémices de l'âge bête, faut nous excuser. Et d'ailleurs, en parlant de bête, vous avez pu entendre que j'étais accompagné ce soir. Et quel accompagnement! On est tellement nombreux qu'on doit se serrer les uns sur les autres. Et vu ce que je sens contre moi, certains semblent vraiment très très contents d'être là ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout en particulier, celui sans qui nous ne serions pas là ce soir. Il adore les douches, on le supporte depuis 10 ans et on l'a toujours pas enterré au fond du jardin. C'est Tom Choucrou! Ouais, bravo. Alors Tom, est-ce que tu es content d'être avec nous ce soir? Je suis très content surtout d'être à côté de toi. Ouais, je le sens bien, là, je le sens bien. D'ailleurs, enfin, un peu se calmer, sinon on va pas finir la soirée. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit maintenant, là, tout de suite, 10 ans, ça te donne quoi? Ça me fait vieux, je me serais jamais dit qu'on ferait 10 ans, en fait. Je pensais pas du tout à ça, mais... Bah quand on te connaît, non, on serait dit aussi qu'on n'aurait pas fait 10 ans non plus. Hein. Et vient ensuite le petit rédac en chef, celui qui pose ses couilles où il veut et c'est souvent sur la table. Yeah. Une vieille légende dit qu'il a un jour réussi à ne pas nouser pendant 24 heures sans que le monde ne s'écroule. C'est JCC. Est-ce que tu es parmi nous, hein? Parce que j'ai ça quelques problèmes, il faut le savoir, hein, si jamais ça arrive. Et on dirait qu'il est sous tout chaud là en ce moment. J'espère être là en tout cas. Et bah nous aussi on l'espère, hein, parce que on t'aime beaucoup et ça nous ferait chier que tu sois pas là. Alors et toi, c'est 10 ans, alors comment tu les sens là? Ah, c'est, ça fait chier, on vieillit. On devient con. C'est dur à encaisser. Ouais, j'imagine. Il était jeune, insouciant, il avait des cheveux sur la tête à cette époque, je m'en souviens. Mais je dis toujours, contrairement à certains. Ouais, je pense que le prochain, je confie qu'ils font avec moi. Là, le prochain, c'est d'ailleurs, il est toujours pas loin de JC, à tel point, au départ, on pensait qu'ils étaient mariés ou quelque chose du genre. Hein. Il a avalé des kilomètres de news au guidon de sa moto avant de partir en retraite comme son illustre ancêtre Obi-Wan. Mais lui, c'était pour sauver des baleines. C'est notre David Kenobi. David. Alors David, qu'est-ce que tu penses alors de ces 10 ans? Comment tu te sens avec nous là? Ouais mon petit Bilou, bah écoute, je me sens bien, mais bah on se dit au bout de 10 ans que les choses ont beaucoup évolué dans le monde du jeu vidéo et sur le site. Voilà. Le temps passe. Ouais, j'ai passé l'âge de ces conneries et tout ça, enfin bref. Non, mais de toute façon, on l'aime, hein. On sait de toute façon qu'il a donné beaucoup d'années pour le site, et des fois c'est normal un peu de vouloir passer à autre chose. On parlera un petit peu plus tard de tous ceux qui sont passés parmi nous. Mais avant, on va parler de notre grand blond avec une chaussure noire, mais lui, il l'a dans la main, c'est pour écraser les araignées. Il est dans l'ombre, comme les araignées. La grammaire, l'orthographe et les araignées n'ont aucun secret pour lui. Il n'a pas 8 bras, même si parfois on aimerait bien. C'est Sanjou. Mais qu'il est beau! Mais oui, alors elles sont de joue, alors c'est 10 ans à corriger des copies, ça fait quoi? C'est douloureux en fait, mais je me rends compte tout juste maintenant que ça fait 10 ans, c'est fou comme c'est comme le temps a passé vite. C'est vrai que c'est énorme. 10 ans, ouais, et combien de fautes d'orthographe hein? Je les compte même plus. Mais au début, je faisais des news et des tests avant de me rendre compte qu'on avait besoin de quelqu'un à temps plein pour... pas pour corriger les fautes de niveau collège. En plus, ouais, t'as aussi filé quand même pas mal de coups de main à la personne géniale qui a aussi codé tous les sites. C'est qui ça? Ah, c'est ouais, je pense que c'est un peu l'homme à tout faire, Sanju, qui est dans l'ombre derrière et qui file un coup de main dès qu'il y a besoin. D'ailleurs, j'ai des carreaux là qu'il faudrait faire. Ouais, ouais, et puis moi j'ai des shots à récupérer aussi. Je m'en suis déjà occupé. Et alors, le suivant, il est discret, au point qu'on ne sache pas exactement quel âge il a. Il est pour être grand-père, mais il écoute encore des musiques de RPG japonais. Il adore le cassoulet autant que de tester les jeux. C'est Jared. Le sage. Oui, alors je sais pas si c'était plus vieux que Ron ou pas, mais bon, j'ai. Beaucoup non. Plus vieux! Absolument pas, moi j'ai pas passé la quarantaine encore. Oh, ça casse encore là! Ouh. Pourtant, tu l'es fait. Hein. Ah non, oui, on s'aime beaucoup, hein, faut pas croire. Mais bon. Ça, tu dis ça parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais c'est peut-être depuis ça, ouais. Le lifting, etc., la coupe de cheveux à la Donald Trump, et puis voilà, je suis notre homme. Putain, mais ils sont tous devenus riches, l'oxygène, c'est incroyable. Hein, bah attends, et qu'est-ce que tu veux? Faut réinvestir un petit peu, hein, tout ce que nous donne le site. Faut, putain, faut le site ça sert à quelque chose. Ah, je pense que pas, ça va poser problème, à mon avis. Bon, et justement, tu parlais de cassoulet, je m'en suis fait un hier. Quand ça va faire, tu vois, le stéréotype du Toulousain, c'est impressionnant. Ah ben ça, je le savais bien. Et sinon, toi, alors, c'est 10 ans sur le site, alors qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Et 10 ans sur le site, ça me dit que c'est le temps est passé vite, parce que je suis rentré un petit peu par la petite porte et voir comment le site a su un petit peu enfin exploser, grandir, évoluer, ça fait tout chose en fait. Un petit peu comme quand tu t'approches de Tumchou, quoi, c'est toute chose. Ah, je vois qu'il y a des bonnes choses ne se perdent pas, tout le monde est au courant maintenant, même nos auditeurs seront au courant maintenant. Et alors, il est notre doyen apparemment, hein, puisque Jarel le confirme. Et pourtant, il met la pâtée à tout le monde au tennis et surtout à Sanju. Il a raccroché les manettes des tests, mais il restera dans le top classement all-time des testeurs Xboxygen. Il anime mieux que Philippe Rizzoli les podcasts, il rappe mieux que Puff Daddy, c'est Ron. Faites du bruit, motherfuckers. Alors, c'est 10 ans. Bon, pour toi, 10 ans, ça va pas faire grand-chose, vu le grand âge que tu as, mais qu'est-ce que ça te fait? Si, quand même. Hein. Quand on a démarré, moi, je croyais que ça allait être super bien pour les putes et la coke. Hein. C'est une thématique un peu récurrente. J'ai vite senti que pour les putes, c'était foutu. Parce qu'elles voulaient pas de toi. C'est surtout que, voilà, Tom Fou, c'est un rat, putain. Mais... J'ai un peu tenté encore pour la coke, ça marche pas non plus. Donc finalement, je me suis dit, je vais me ranger un petit peu des bagnoles, quoi. Eh ben écoute, on est quand même heureux que tu sois parmi nous là ce soir. J'ai eu un peu peur hein, quand même parce que t'avais l'air très occupé. Je toussais un peu, mais ça va. Je tiendrai encore un peu. Ça m'aurait fait chier que tu sois pas là pour un podcast où pour une fois tu n'as pas à gérer quoi que ce soit d'ailleurs. Et en plus je vais même pas avoir de montage à faire, ce qui va me permettre de dire n'importe quoi, n'importe quand, je m'en fous. Putain, ça va se payer, je pense que je vais faire des petits montages hein, derrière. Et sinon bon, il est beau, il est jeune, il est parmi nous depuis quelques temps, la compète sur Halo c'est son dada, hein. Dommage que Halo tout le monde s'en foute maintenant. Il était mal parti au départ avec un pseudo imprononçable et littéralement imbitable. Son nouveau pseudo le fait passer pour un vieux noir pervers, c'est Oncle Dragon. Ouais. Salut. Alors, toi, ça fait pas 10 ans, donc en fait, on s'en fout, on passe au suivant. Non, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être parmi nous, là? Depuis combien de temps, d'ailleurs? Ça fait combien de temps? Ça va bientôt faire un an, là. Incroyable. Déjà. Les poils sur le torse. C'est passé super vite, du coup, je me disais que 10 ans, ça a dû passer aussi vite que ça. C'est un peu vrai. Ouais. Et en un an, j'en ai quand même vu passer des choses, mine de rien. Ah bah imagine ce qu'on a dû passer, hein. Nous on a vu passer des trucs, notamment une photo de quelqu'un d'ailleurs. Ouais, ouais, peut-être qu'on en parlera plus tard. Je crois l'avoir aperçu quelque part. Ouais. Oui, on fera une psychanalyse de groupe hein, après. Ensuite, encore un nouveau avec un pseudo chelou. C'est le bleu-bite qu'on aimerait bien bisuter, hein, peut-être. Le petit jeune aux dents longues qui veut prendre la place des anciens. Attention, il kiffe le streaming sur Twitch, même si nous, on l'oblige à tester des jeux. C'est Ragan Aziel. Alors toi, ça fait encore moins longtemps. Hein. Ça fait encore moins longtemps, 10 ans, ça fait 10 mois. Oh. Ah, bah c'est pas mal. Ouais. Ah, en fait, ouais, c'est pas si loin de Dragoo au final. Hein. Je pensais qu'il y avait plus de différence que ça. Ça faisait moins longtemps que ça, mais c'est pas mal, 10 mois déjà. T'as dû en voir des choses aussi, toi. Eh ben oui, oui, j'ai testé pas mal de jeux, pas mal de bouses, beaucoup de jeux indés, et voilà, quoi. Ah, mais il faut bien que ça soit pour quelqu'un, mais non, on n'est plus là pour tester les jeux de merde. Hey, voilà, c'est ça. Hein, bon. Ça suffit, les Goat Simulator aux autres. Ouais, c'est clair. Bah oui, voilà. D'ailleurs, bon, on en parlera un peu plus tard de ça. Mais avant, hein, il faut quand même bon, parler le meilleur pour la fin, évidemment. C'est grâce à lui que Xboxygène ne ressemble plus à un site d'amateur en G-Vert. Il s'est saigné aux quatre veines sur la technique depuis 2007, hein, rendez-vous compte. Il a enduré les goûts de chiottes de Tom Choucrou, mais il a survécu. Je sais pas comment il a fait, il doit vraiment être balèze. Il pompe tout le fric que Ron veut utiliser pour des femmes et de la drogue, hein, il l'a dit lui-même juste avant, d'ailleurs. Eh bien, c'est moi-même, c'est Bilou. Bien joué. Bilou, alors, ouais, voilà ce que j'endure, putain. Alors moi, ça fait pas 10 ans, hein, parce que j'étais pas là au début. Mais en tout cas, je les ai bien sentis passer, les trois versions du site. Vraiment, je les ai bien sentis passer. Je me suis exploité par Tom Chou au début, là, en bossant à côté du reste. Mais je suis bien, content. Ouais. Je suis content, je suis vraiment très content de ce que c'est devenu. Je suis super fier d'avoir bossé pour Xboxygène pour faire les sites. Je suis content aussi d'avoir fait des tests quelques fois et tout pour dépanner tout ça. Et c'est vrai que 10 ans, enfin j'imagine même pas. Je me rappelle même plus comment c'est il y a 10 ans. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que vous avez toujours été là. C'est vraiment spécial. Et ouais, je suis content qu'on soit là tous ensemble pour ces 10 ans. Et j'espère qu'on sera encore là dans 10 ans. Quoi. Enfin, sauf Ron, évidemment, parce que bon, il sera mort, mais... Il y a des nouveaux traitements, maintenant. Je peux m'en sortir. J'espère, parce que ton flow, ton style nous manquerait beaucoup. Et il y en a un autre aussi que son style nous manquerait beaucoup. Hein, c'est un guest d'honneur ce soir. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous pendant quelques heures avant que sa femme vienne le tirer par l'oreille. Quelques heures, il est fou. Alors, il nous suit depuis très très très longtemps sur le forum. C'est un partenaire du site de grand talent. On l'aime d'amour, on le kiffe, on fait un grand bravo à Creepers. Oui. Ouais. Il y a une véritable tension sexuelle ici. Mais oui, ça fait 10 ans qu'on a tous envie de se monter les uns les autres. On ne le dit pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi efficace, je pense. Écoute, déjà, la table n'est pas toute seule, t'as vu ? C'est ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup, beaucoup de choses sous la table qui se passent en tout cas. Alors, je suis content d'être là, mais j'aimerais préciser une chose, c'est quand même Alain Delon n'a pas osé s'interviewer lui-même. C'est cool quand même. Bilou, je dis bravo, en tout cas, tu as osé, c'est formidable. Bah oui, c'est 10 ans, putain, c'est notre anniversaire. Ah bah t'as raison, c'est moi qui gère là. C'est toi le patron. Ouais, j'ai dit, là, ce coup-ci, je vais mettre les petits pas dans les grands. Donc, en tout cas, bah, Creeper, je suis content que tu sois là. Alors, c'est vrai que toi, bah, c'est pas vraiment la rédaction, toi, c'est vraiment le forum au début. Même si tu nous as un peu lâché comme un lâche. Mais j'en ai fait, en plus de la rédaction. Si, si, il y a eu la rédaction. Mais en fait, ils sont tous passés sur Tom Chou, en fait. J'ai fait du test de merde, moi. J'ai testé les adaptations de films, j'ai fait du Seigneur des Anneaux, j'ai fait du Wanted, j'ai fait du Terminator, mec. Donc, j'ai fait du caca. C'est à toi qu'on filait les merdes au départ, quoi. Et comme tu t'es barré, c'est... Ah bah, c'est mais tu connais, je suis attiré. C'est pour ça qu'il s'est barré, en fait. Ça serait bien de voir, mais quel est le parmi les testeurs, quel est le jeu de merde qui vous reste là? Justement, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, j'y viendrai après. On va en parler de tout ça, ne vous inquiétez pas, là, vos plus mauvais souvenirs, on va pouvoir en parler. Et Creeper s'est barré à cause de ça, c'est dingue quand même. C'est surtout une question de temps, parce que moi je suis attiré par tout ce qui est un petit peu bis, un petit peu Z, mais c'est vrai que Terminator Renaissance, c'est assez douloureux. en tout cas, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Ah bah oui, nous aussi on est très contents. Alors un membre de la rédac n'est pas là ce soir, mais bon, on pense fort à lui, hein, c'est pas Végéant sur le forum nous manque. Mais si, si, les mecs, ils nous manquent un petit peu quand même. Je suis au fond de vous, ils vous manquent un peu. Il a dû faire chier un marabout dans une autre vie parce qu'il arrive pas mal d'emmerdes en ce moment. Hein, mais on espère qu'il nous reviendra vite. C'est Stéphane, on lui fait des bisous et on l'applaudit aussi ce soir. Hein. Ouais. Méga applause. Et donc j'en profite. Là, là. J'en profite également pour remercier tous ceux qui ont croisé un jour la route de Xboxygène, que ça soit sur le forum comme habitué ou qui ont fait partie de la rédac, même si apparemment tous ceux du forum au début ont fait partie de la rédac un jour. apparemment, même si Creepers l'a été, je ne me souviens absolument plus. C'est vieux. Oui, c'est comme nous, on est vieux. Ouais. Donc on les remercie, on leur fait des bisous, et on aura une pensée particulière pour l'un d'entre eux, hein, car la vie est parfois une belle saloperie, et elle l'aura repris un peu trop jeune. Il était là dans les premières années du site, il a eu la chance de rencontrer Peter Molyneux en interview pour Xboxygène, et on n'oublie pas Énergie, hein, qui est parti il y a quelques années, et on pense à lui. Alors l'émission sera égrenée donc par vos questions, chers auditeurs. En effet, si vous êtes assidus, vous avez dû voir dans la journée qu'on vous proposait de poser des questions à l'action et que celle-ci s'engagerait à y répondre. Absolument. En toute franchise. Alors ça, c'est une autre histoire. Hein, on verra bien, parce que c'est notre anniversaire. Ça dépend si on parle de douche ou pas, en fait, c'est ça. Oui, alors, apparemment, Tom Chou, on va mettre les choses à plat tout de suite. Tom Chou, apparemment, tu as un souvenir absolument délicieux que tu aimerais nous partager. Ah bon, tu veux vraiment que je le dise? Ah bah oui. Hein. Oh bah de toute façon, on est bien ça après. De toute façon, l'image du podcast, ce sera la photo que tu as envoyée sur le net il y a quelques années. Donc, à partir de là, je pense que tu peux nous raconter un peu ce souvenir, apparemment, que tu chéris beaucoup, puisque ça fait environ 10 ans que tu le rabâches à tour de bras. Donc vas-y, raconte-nous ton expérience alors. En fait, de mémoire, on était dans un gîte, ça c'est sûr. C'était à l'occasion d'une entrevue entre joueurs du forum de gamers.fr et je sais plus si c'est moi qui t'ai vu ou si on me l'a raconté en fait au final, mais en fait tu m'as carrément espionné sous la douche, on peut le dire maintenant, voilà. C'est totalement faux. C'est totalement faux, mais il y a des preuves sur internet comme quoi tu dis oui, c'est pas vrai, le truc il était flou, je sais pas quoi. Le truc j'étais là. C'était à travers une vitre opaque de salle de bain. Alors, dans les salles de bain en général, on met pas des vitres où on peut voir à travers, tu sais. C'était juste une vitre opaque, et pour te faire chier, oui, j'ai décidé de prendre un appareil photo et de faire un flash à travers la vitre pour te faire croire qu'on te prenait en photo. C'est comme ça qu'on a payé le site, hein. Sur du chantage, ouais, c'est formidable. Enfin bref, depuis le temps, donc Tom Chou imagine que je fantasme sur lui toutes les nuits à propos d'une photo qui n'existe même pas et que je veux le mater sous les douches, ce qui est absolument faux. Bon, passons à autre chose. Alors, on commence tout de suite avec une question existentielle que j'ai reçue par mail de Monsieur Zitoun. Alors, c'est de la question que tout le monde veut savoir et qui rapporte des millions de clics. Monsieur Zitoun demande donc « Bonjour ». J'aurais aimé savoir s'il y aura un GTA 6 et il sortira quand. L'abonnement Xbox Live sera-t-il toujours payant, s'il vous plaît. Moi, j'ai des réponses pour ça. Hein. Heureusement que ça fait 10 ans qu'on est là pour répondre à ces questions. Alors, c'est formidable. Donc, qui veut répondre à cette question extraordinaire? C'est facile. Erwan, ouais. Il était partant. Hein, moi, j'ai une réponse moi, là-dessus. Oui. Il y aura un GTA 6. Mais attends, Où est ta source? Ça, c'est du journalisme, Coco. Mais... je ne peux rien dire de plus pour l'instant. Oh, le salaud, il fait joyeux dans le secret des dieux et tout là. Je veux me faire embaucher par Gameblog. Je pense que t'as pas assez de poitrine. Ah non, bah attends, tu dis il y aura GTA 6 et il y aura des scènes de cul, et là t'es embauché chez Gameblog. Ah, exact, c'est vrai. Et de la violence gratuite. Ouais. Incroyable. Il y aura GTA 6 et attention, ce qui se passe dans la news va vous surprendre. C'est ce que j'allais dire. Ah non, on leur a dit de toute façon dans un ancien podcast qu'il fallait cliquer. Hein. Nous, faut qu'on rentre de la thune là, faut cliquer. Hein. Tu veux encore plus de surprises, reclique ici. La date de sortie de GTA 6 point d'interrogation. Et après tu mets non. On le sait pas. C'était quoi la deuxième question, là? Et il me demandait ensuite, est-ce que l'abonnement Xbox Live sera toujours payant? Oui. C'est probable. Et oui, parce que... Ah, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr, moi. Vu que la PS4 s'y est mise aussi, je vois pas pourquoi... Vous croyez qu'ils vont arrêter ça? Bah ouais, sur PC c'est gratos. C'est ça ? Sur PC c'est gratos. Non, mais attends, ça les a jamais dérangé. Hein. Sur PC il n'y a rien qui marche. Ah, c'est vrai aussi. Même c'est vrai. Ah, c'est une question pertinente au final. Il aura peut-être servi à quelque chose finalement cette question-là. Merci. Merci. Non, oui. Dire merci d'ailleurs. Putain, si on attaque un débat, il va durer longtemps l'émission. Ouais, quand t'es là pour les 10 ans. Ah, attendez, ils ont des questions. Ils ont des questions, on a promis qu'on y répondrait. Bref. Bon, donc ah bah, on va répondre, on ne sait pas peut-être. Peut-être, peut-être pas, évidemment, bien sûr, après on ne sait jamais. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, moi je pense qu'il y a une réponse qu'il faut donner, et qu'on devrait donner régulièrement, parce qu'on a aussi des questions comme ça sur Facebook, c'est que nous ne travaillons pas dans le jeu vidéo, nous relatons l'information. Donc nous ne savons pas, sur un GTA 6... On fait que copier-coller. Voilà. Donc la réponse est peut-être. On a des robots qui travaillent. Nous sommes des bots. Bah mon pseudo au début sinon... c'était CTRL-C, hein. Oh le salaud, en fait tous ces tests ils sont pompés d'ailleurs. Oh mais carrément. Oh. Allez, enfin bref, allez, on rentre dans l'histoire avec un grand H, hein. On est là en 2016, c'est formidable, mais en 2006. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Tom Chou, pour lancer ce site au départ? Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé pour te dire tiens je vais faire un site Xbox et pas un site PlayStation comme les autres, hein, comme les gens bien. C'est vrai, bah, en fait j'ai déjà jamais eu la PlayStation. J'ai beaucoup joué à la Nintendo 64 et la Dreamcast, je sais pas, la logique c'était la... Enfin, c'est la Xbox qui m'a attiré. Et comment on a lancé le site? Attiré par du X, hein, évidemment. Des grosses manettes, hein, c'est ça? Exactement, tout ça, ouais. Comme j'avais des grandes mains, il me fallait des grandes manettes. Alors, non mais, ça s'est fait. Pour ceux qui ne savent pas, on était à l'origine quelques-uns à être sur un forum... qui s'est appelé à l'époque, c'était quoi? C'était Best for Gamers. Ah voilà, Best for Gamers. Maintenant c'est Gamers. Et Best for non, Gamers, maintenant c'est même plus Gamers, c'est devenu Bâton de Joie. Ah j'adore ah, ce oui, nom. Bâton de Joie, ouais. Exact. Ouais, et exactement. Ouais. Et il y avait un topic sur lequel il y avait une actu de ouf sur la Xbox, où entre autres j'étais contributeur. Et moi je me suis dit putain, mais pourquoi on fait pas un site nous-mêmes? Et puis voilà, et puis vous... certains m'ont rejoint. Et puis depuis, ah justement, oui, qui raconte-nous qui t'a rejoint au départ, hein, qui étaient les lèches-culs prêts à te suivre là. Bah, il y avait Erwan, il y avait Stéphan, et il y avait Harold, enfin Sanju. Erwan, je pense que c'est... attention, hein, parce que si vous ne l'avez pas encore compris, Rhône, ça veut dire Erwan. On prend la révélation. Alors, je pense que nous, on a dû mettre 7 ans avant de se rendre compte. Hein. C'est clair. Mais bon, voilà, on vous le dit, comme ça, on vous évite un flingage de cerveau. Erwan, c'est Rhône. Maintenant, du coup, je m'appelle officiellement Rhône, puisque tout le monde m'appelle comme ça. Quoi. Voilà, super. C'est devenu un truc de beauf, mais bon, c'est pas... Donc, tu disais, il y avait Rhône. Rhône, Sanju, et Stéphane. Donc, vous avez commencé à 3. Bah ouais, après on a ça fait dans les 4 hein, quand même là. Plus ou moins 4 environ. C'est vrai que 3 plus 1 ça fait 4 en fait, mais Non, c'était pour voir si vous suiviez, hein. C'était intéressant. Ouais. Mais c'est pas vrai, il y avait d'autres gens avec nous qui sont plus dans l'équipe maintenant. Ouais. Oui, j'ai oublié en fait, je voulais pas le dire, putain, fallait pas le dire. Ah, il vous a oublié hein. Oui. Non mais je me rappelle plus. Il y a eu pas mal de mecs de gamers en fait qui sont venus sur le site à un moment donné et qui sont repartis après. Mais pour te dire les dates exactes. Ah oui non c'était juste pour donner une idée hein, pour voir si tu t'étais lancé tout seul ou si t'avais déjà commencé. Ah non pas tout seul. Attends, pour faire un site aussi moche déjà, je peux. Oui alors oui c'est vrai le site hein, le site c'était une grande œuvre d'art. Combien de mois tu fais pour le mettre en place là? Parce que alors évidemment hein, pour ceux qui le savent pas, régulièrement il y a quelques news anniversaires où Tom Chou a posté des news avec des petits screenshots de l'époque, ou sinon vous pouvez utiliser la Wayback Machine, le site, pour voir un peu quelle était la tête du site à ses débuts. Mais bon hein, on vous prévient, c'est un peu chaud. Ça pique un peu. Mais pour l'époque, t'imagines en 2006, c'était pas les débuts d'Internet, mais il n'y avait pas beaucoup de sites Xbox, machin et tout, et c'était déjà pas mal. Hein. C'était pas mal, hein. Oui, non, c'est sûr que 10 ans, c'est vrai qu'on se rend pas compte, hein, mais 10 ans, Internet a complètement changé en 10 ans. Non, mais on comprend que tu veux y vendre ton job, voilà, c'est normal, on comprend. Bah, sinon, putain, c'était pas ça mal. Va dire que j'ai servi à rien, ça fait chier quand même. Donc, c'est clair. Non, mais disons que pour l'époque, c'était bien, mais c'est vrai que rapidement, ça a montré ses limites, hein, quand même. Exactement. Le succès, forcément. Là, je retourne sur un truc. On faisait déjà des éditos à l'époque. Ah bah, j'ai commencé comme ça. Ouais. 25 mai 2006. Bim. Wow, la classe. Putain. Déjà, les bases étaient là, au final. Hein. On peut se dire, on peut dire vraiment que maintenant, je pense que peu de choses a changé en termes rédactionnels. Hein. Les news, les tests, les éditos qui étaient venus, qui sont repartis, qui sont revenus. C'est peut-être un peu mieux écrit maintenant avec les années quand même. Hein. Ça pique un peu les yeux quand on relit ce qu'on écrivait il y a 10 ans. Ah, c'est peut-être une bonne technique, hein, d'ailleurs, pour se voir un peu le chemin qu'on a parcouru. Hein. C'est vrai que des fois, on se rend pas trop compte, hein, des fois, le chemin parcouru, même sur les news, hein, même sur la manière d'écrire, la manière de relater, etc. Expérience. Ouais, l'expérience, ça fait tout, mon vieux. Et alors, quand est-ce que t'en rejoins les autres, alors, Thomas ? Oh, mais putain, déjà, je me souviens même pas de ce que j'ai fait hier, alors putain, une date il y a des années, c'est vachement chaud. Tu es une honte en tant que chef. Ah je tenais à te le dire. J'ai une mémoire toute pourrie, je pense que c'est pas. Enfin, vous le savez depuis le temps, mais. Ah ouais, on le sait. C'est sympa, notre arrivée l'a marqué, ça, c'est sympa. Ah, ça, moi, je m'en fous, j'étais là depuis le début, c'est facile. On se demande même comment ça a pu tenir 10 ans, d'ailleurs. Ah, si, je me souviens très bien de Dragou, qui est arrivé il y a environ un an, et Ragan, il y a environ 10 mois. Oh putain, extraordinaire. Déjà, il se souvient de nos noms, c'est déjà pas mal. Ouais. Enfin, je vais la noter, celle-là. Mais alors sinon, donc après, je pense que après, ça a été JC et David hein, qui sont arrivés dans les suivants, on va dire, qui sont restés depuis. Ah, de ce soir, ouais, carrément. Alors, ah oui, là, c'était les grosses révélations. Enfin, ouais, évidemment. JC, est-ce que tu te souviens un peu de ton arrivée ? Bah, c'était après David. C'était David en premier, d'accord. Ouais, quelques mois avant. Après, une fois qu'il s'est lancé sur le site, il m'a dit « ce serait bien que tu viennes », etc. J'étais pas chaud. Parce que vous vous connaissez, donc déjà d'avant, en fait. Ouais. Nous, on se connaissait, on travaille au même endroit, en fait. On parlait... console sur les pauses et Xboxygène était l'un des rares sites à passer sur le au travail. Allez, donc on squattait le forum, etc. Le secret de notre succès. Du coup, on faisait des parties en live avec Tom Chou, Call of Duty Modern Warfare. Ah oui, c'était la belle époque. Cargaison, pense que même, on peut dire, même avant Call of Duty, il y a eu... peut-être, mais c'était peut-être pas le début Rainbow de Xboxygène. Six, hein. C'était le Rainbow Six, ouais. Hein, le Black Arrow. Ouais. Ah oui. C'est connu quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup comme ça, mais c'est plus vieux ça déjà. Ouais, c'était peut-être avant, hein, mais c'est vrai qu'on a passé des centaines d'heures, je ne sais pas, mais à se faire des parties là-dessus. D'ailleurs, je pense que Ron aura quelques frissons si on chantonne la petite musique de la puberta. Ah oui. Une des meilleures vannes de l'univers sur les campeurs. Parce que lui, Ron, en gros, se cachait dans un coin pour balancer des grenades et tirer les gars qui passaient devant lui. Mais pas du tout, mais comment c'est faux ? Je passais juste mon temps. Alors lancer des grenades, oui. Courir partout, oui. Et mourir, surtout. C'est clair. Et là, à cette époque-là, Tom Chou était bon. Hein. Il arrivait à vous tuer à l'au bout de la map, mais non, il s'est quand même ramolli avec le temps. C'est vrai. Oui, il essaye de s'attraper avec le dernier Rainbow. Ah, mais c'est vrai que je me rappelle sur Cargaison et tout, avec JC et David, on faisait des fois des parties à 2 contre 3 et tout. Enfin, c'était vraiment pas mal quoi à l'époque. Bah, ouais. Donc ça, tu t'en rappelles quoi en fait. Ouais, c'est vrai. Là, on est en train de charger son dossier. Je pense qu'à la fin du podcast. Cargaison, ça m'a rappelé. On va faire une petite révolution. Il faut sortir les mots-clés un peu. Il faut sortir Cargaison, douche, photo. Voilà, tu vois, attends, il est depuis même pas un an, il t'a déjà cerné. Et sinon, David, alors, est-ce que toi, tu te souviens un peu ? Bah, David, il est parti. Ah bah, c'est formidable ! Cet instant de solitude sera disponible sur mon enregistrement. Hein. Oh, ça peut même rester, on s'en fout. Ah, le salopard, il est là depuis 10 ans et c'est comme ça qu'il se barre. Ah, le salopard. Il a pris son bateau et il est parti. Quelqu'un veut dire un petit mot sur David, un peu ce qu'il faisait à l'époque aussi, comment il est arrivé, ce qu'il faisait ? Ah oui, il avait qu'à pas se barrer. Tant pis, on va pas David, gros user, David, gros contributeur de l'époque. On n'aurait pas pu faire des E3 comme on a fait tout ça sans David. Enfin, c'était la team news, quoi. C'était les gros moments d'Xboxygène en news. C'est clair, d'ailleurs on reparlera un peu des E3 après, d'ailleurs un peu le cheminement un peu que Xboxygène a parcouru. Et sinon, donc après, alors qu'est-ce qui a pu arriver ? Peut-être Jarel ? Oui, peut-être, sûrement moi. Il me semble que je suis arrivé en 2010. Alors, à la base, je devais faire les tests de tout ce qui était XBLA. Donc, petits jeux comme ça, parce que ça commençait à arriver, ça a explosé à ce moment-là. Et je crois me souvenir que mon premier test, justement, sur la petite histoire, c'était Castlevania Symphony of the Night. et qui est arrivé en rétro il y a pas longtemps, donc la boucle est bouclée. Voilà. Il y a pire comme la boucle est bouclée, voilà. Et comme quoi, le jeu vidéo, c'est un éternel recommencement en ce moment, hein. Ouais, ouais, non, ça arrive. J'attends impatiemment le remake acheté de Castlevania Symphony of the Night, plus la ressortie de Castlevania Symphony of the Night en version bitmap jeu indé, etc. Ça va être super, quoi. Ça te rappellera tes souvenirs actuellement, de début. On se régale. Ah bah, tu feras peut-être le test, hein, de la nouvelle version d'ailleurs. Ah, on t'a perdu là. Ah, moi j'ai entendu. Non. Moi aussi, ah bon j'entends. Bah, c'est marrant. Non, c'est tes oreilles. Les mecs, oui. Machine, on avait fait un concours Viva Pignata à l'époque. C'est énorme. C'était ton jeu préféré. Viva Pignata. Ah oui, il faut savoir que oui, Viva Pignata est le jeu préféré de Tom Chou, hein. Je pense all time, à mon avis, sur la Xbox. Hein. Non, il y a Black Arrow qui est quand même bien haut. Hein. Et puis Rainbow Six Siege qui est vraiment monté très haut. Oh, Rainbow Six Siege, mais qu'est-ce qu'il nous joue avec cette merde, lui. Et la scène sous la douche, de toute façon, dès qu'il y a des trucs de douche, là, il adore le jeu. Ah, c'est pour ça qu'il aimait beaucoup Call of Duty, il avait des douches dans une prison, donc là il devait être forcément content. Comment t'as dû kiffer Heavy Rain? La carotte, c'était pas Xbox 1 hein? Si, c'est exactement, oui, ça date vraiment. Hein. D'ailleurs, oui, donc en fait, quand la première version a été lancée, c'était vraiment sur la Xbox 360, hein, c'était déjà plus l'époque Xbox, non? La version du site, tu parles, ouais. Ouais, tout au début, ouais, c'était... Ah c'était... ouais, on parlait pas d'Xbox. Hein. C'était pas avant, enfin c'était avant la sortie de la 360. C'est 2006 qu'elle est sortie, il me semble, non? Je sais plus si on a lancé avant elle la sortie de la console. 2006. Après la sortie. Après. Juste après. C'est décembre 2015, la 360. Ouais. 2005, pardon. Ouais, c'est le site 2006, on a lancé, je crois. On était déjà à la bourre. Ouais. Vous êtes bien rattrapé depuis. Et donc, alors après ça, on va faire un bon, hein, quand même. Non, on fait pas un bon, qu'est-ce que je dis? Je suis une merde, je suis super désolé, j'ai oublié Creepers. Ah oui, bah, le nu, je vais me flageller tout à l'heure. Alors, Keepers, comment tu es arrivé sur Xboxygène, toi? Bah, écoute, ça tombe plutôt bien, je viens de trouver la date par rapport au test justement de Terminator Renaissance. C'était il t'a marqué celui-là. Environ 2009, à peu près. Ça peut prendre 2009. Attends, t'as commencé avec Terminator Renaissance? Alors, je sais plus si c'est avec celui-ci ou si c'est avec Wanted, je ne sais plus. L'un ou l'autre, c'est dur quand même. Bah, écoute, je crois que Wanted est un tout petit peu mieux. Voilà, c'est à l'échelle de Terminator Renaissance, quoi, on va dire. En fait, bah... j'imagine à l'époque, là, bon, on a un nouveau testeur, qu'est-ce qu'on lui donne comme jeu? Non, et tu sais quoi, je crois qu'en plus c'était moi qui avais proposé. Ouais, je suis presque sûr que c'est toi qui avais voulu. Ouais. À l'époque, je bossais chez Micro Niania et je leur avais dit, bah écoutez, si des fois je peux vous dépanner pour des jeux que personne veut tester, vous pouvez pas. Parce que logiquement, je crois qu'à l'époque, vous receviez pas encore beaucoup de jeux ou des trucs comme ça. Enfin, surtout Terminator, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc je leur avais dit, bah écoutez, je peux vous faire quelques petits tests de temps en temps, voir sur quelques jeux, quoi. Donc du coup j'empruntais les jeux moi du magasin, je faisais vite fait le truc et puis je leur donnais le test, quoi. Donc c'est comme ça que je suis un peu arrivé, et c'est surtout parce qu'on jouait, bah, à l'époque beaucoup justement à des jeux comme Flatout, Grid, tout ce qui était justement Modern Warfare, Rainbow Six Vegas, Gears aussi beaucoup, ouais. Ouais. Donc on s'entendait tous plutôt bien, bon encore maintenant là, hein, la preuve c'est que je suis encore là. Même si je suis plus vraiment depuis un petit moment, parce que j'ai fait 3-4 tests, je crois. Il y a eu Rock Band 2 aussi. Enfin, voilà, j'ai pas fait de news ou de trucs comme ça. Mais donc, je leur ai proposé mes services sur quelques jeux, on va dire. Et après, je leur avais dit que j'avais plus forcément le temps. Donc, au lieu de leur faire, de proposer des choses que je pouvais pas tenir, je suis parti assez rapidement. Mais j'ai contribué un petit peu. Donc, maintenant, c'est plus avec les podcasts, des choses comme ça. Et puis, bon, on reste en liaison, justement, avec Rhône, avec la Beatsbox, avec toi, Bilou, maintenant aussi, hein, le roi du podcast, sur un podcast cinéma. Donc, encore. Du cinéma d'homme avec des poils. Du vrai, bah bien sûr, avec des vrais bâtons, t'aimes les poils. Donc, Ouais, puis Creeper, je crois qu'on se connaissait même depuis un sacré bout de temps, parce que t'as pas traîné par sur Best for Gamer également. Si, tout à fait. Moi, je me rappelle de notre entre guillemets rencontre sur le forum, parce que quand j'ai vu le pseudo Creepers, et moi étant très amateur de films fantastiques, je fais, oh, ce mec doit être bien. Ouais, c'est comme ça. Bah, toi, on parle presque autant de cinéma que de jeux vidéo de toute façon. Donc, généralement, les podcasts, quand on les enregistre, ça dure assez longtemps. À cause de ça, justement, parce que chaque fois, on rebondit sur des trucs. Mais c'est vrai que là, cette époque-là, donc 2009, c'est là où j'avais commencé, moi, à bosser dans, chez Micro. Et donc, bah, je jouais énormément et beaucoup en ligne. Maintenant, je joue quasiment plus en ligne. On s'est même plus croisé depuis très longtemps en c'est réseau. Clair. Donc, ah, bah, je crois que c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas une galère c'est, sans nom d'arriver à trouver un créneau commun. Hein. Certains se reconnaissent. Mais non, c'est vrai que c'est un peu de nostalgie quand même de cette époque-là où le Xbox Live pour nous ça voulait dire quand même pas mal de choses. Et... Ah, Flat Out, c'était génial! Flat Out. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé sur Flat Out? Putain, tu m'étonnes. C'était top. En plus, c'était vraiment les débuts, hein. C'était vraiment les débuts du Xbox Live, mature, hein, on va dire. Bah, comme nous, on était vachement mature. Comme bah, c'est pour ça. Ouais. Oui, c'est clair. Il y a des films de boules sur Xbox Live? Ouais, ah ouais. T'es mature. Ah bon? Ah bon? Mais en tout cas, c'est vrai que c'était vraiment une époque. On s'est quand même bien marré avec tous les FPS, les FPS, pas que FPS, puisque c'était il y avait pas que ça. Et je me souviens de comment c'était là le jeu Ubisoft. Ghost Recon. Oui, voilà, Ghost Recon. Il n'y avait pas que les FPS. Il y avait les PGR aussi. Les TPS. Ouais, c'est pas FPS, c'est un TPS. Ah, et les PGR. Le chat et la souris. Ouais, la démo de MotoGP. Ah, c'est que ça a commencé là-dessus, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de jeux de voiture, j'ai toujours des vidéos YouTube de l'époque qu'on pouvait enregistrer, je ne sais plus comment d'ailleurs, où c'était une catastrophe. On voyait très bien les dons de conduite de certains. C'était énorme. Je pense que c'était Ron d'ailleurs. Et Tom Chou était aussi dans l'histoire. On lui rentrait dans les fesses à Tom Chou. Donc en fait, l'histoire s'en répète. Chat-souris, c'était énorme. Chat-souris, c'était top. En chat-souris, j'étais bon. Hein. Putain, autant en chrono, j'étais plus pas mieux. En chat-souris, j'ai toujours été bon. Quoi. Surtout en souris d'ailleurs. De toute façon, la découverte du Xbox Live, de toute façon, de manière générale, c'est là on a rencontré énormément de personnes hors vraie vie, quoi. Donc, Top Spin, etc., c'est des expériences qui étaient énormes. Faut pas me parler de Top Spin, s'il vous plaît. Ah, et votre meilleur jeu aussi que Ron adorait, hein, avec le jeu de Rockstar de tennis de table. Ah, c'était génial, arrête. Et je lisais un commentaire d'un gars sur notre site qui nous dit que aujourd'hui Xboxygène est aussi un vecteur de rencontre pour des gars qui, dans les discussions, se donnent des rendez-vous pour jouer en ligne et voilà, et deviennent potes, quoi. Donc c'est cool, on sert au moins à ça, quoi. Heureusement que t'es pas arrêté à vecteur de rencontre non, pour les gars. Non, c'est la signature forum de Tom Chou, ça. Non, c'est vrai parce que c'est vrai qu'à notre époque, eh ben, c'était différent. Hein. On était beaucoup entre Français. Chose qu'on retrouve plus de nos jours, on en a déjà parlé un peu que ouais, c'est le bordel. Ça s'est perdu maintenant de nos jours un peu, on est tous mélangés avec des Américains de 12 ans qui beulent comme des brutos. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était, je sais pas si les joueurs de maintenant se rendent compte, mais c'était quand même autre chose. Hein. On rencontrait vraiment des gens qu'on ajoutait à liste d'amis, qu'on retrouvait régulièrement. Et maintenant c'est bien, bah, c'est bien que le site un peu remplacé ça, quoi, que des gens se rencontrent grâce à nous. Voilà. On va faire une petite pause dans les présentations en allant vers les questions des auditeurs. Alors, une première réaction qui nous vient des commentaires du site de Kakashi, qui apparemment, qui nous suit depuis les débuts apparemment. Ah, c'est ZH. Oui, exactement. C'est un lecteur assidu, il aime beaucoup les éditos, il aime beaucoup les billets d'humeur de l'armée Ron. Apparemment, Ron, je crois que t'as une touche. Hein. Ouais, je pense, ouais, mais c'est écoute, ah, mais c'est, il a une fanbase, hein, faut pas. Mais oui, carrément, il y a une fanbase. Hein. Bah, je pense qu'il a des fans qui veulent le baiser, oui, en effet. alors, il nous demande quel est votre pire jeu auquel vous avez été obligé de jouer afin d'en réaliser un article, un test, une preview, etc. Merci de votre réponse, longue vie à vous, votre site est parfait. Mais écoute, je le prends pour moi, je sais, le site est parfait, c'est moi qui le fais. Oh le putain facile ça, moi j'ai le mien. Et Taureau. Alors, non, parce que Taureau c'était court. Moi je pense à. C'est Vampire Reign. Ah oui, putain, il est dur. Celui-là, c'est peut-être le truc le plus nul que j'ai jamais joué, qui réussissait à être suffisamment nul pour que parfois je trouve ça drôle. Ah, il paraît que c'est un vrai nanar. Ouais. Ah, c'est une merde ce truc. Déjà, je dois tester un jeu qui est censé être un jeu d'infiltration quand on connaît mon amour pour le style. C'était un effort assez important. Mais il était d'une médiocrité, je pense, qui mériterait d'être dans le musée des jeux vidéo. Et j'espère qu'il y a un remake HD qui est prévu. ça me ferait vraiment très plaisir. Et une autre version en pixel art aussi, pour faire la totale. Et sinon, les autres testeurs, alors, est-ce que vous avez un souvenir? Moi, je reste quand même sur un truc qui était particulier, c'était Schtroumpf 2, que j'attendais pas du tout, en fait. J'en garde un souvenir ému parce que je regarde à l'arrière de la boîte, je vois les images et les photos, les screenshots qui ont l'air assez sympathiques. Je mets le jeu et ça ressemble pas du tout en fait, parce que les gars, le jeu était tellement pourri qu'en plus ils ont grossi les images pour essayer de donner une apparence un petit peu plus avenante à leur truc. Et, il y a déjà de la retouche Photoshop, quoi. Ouais, de la retouche, mais totale, mais grave en plus. Et là, mes enfants qui viennent me dire « Ah, ouais, je trompe deux, on va y jouer », j'ai dit « Bah ouais, tant qu'à faire, parce que j'aime bien faire jouer à mes enfants, parce que quelquefois, le jeu, il te paraît totalement nul comme ça, pas terrible, mais finalement, les enfants, ça marche bien, donc tu te dis, le public visé, ça marche, donc tu fais un bon test. » Et en fait, là, non, c'était pourri. Il y avait les schtroumpfs, donc c'était une sorte de jeu de plateforme bizarroïde, où les schtroumpfs devaient sauter aussi sur des plateformes en évitant des insectes et tout. Et sauter sur une plateforme, il y avait de la collision entre les deux personnages. Donc c'est un truc en coopératif, c'est-à-dire que si t'en avais un qui sautait sur la plateforme, t'as l'autre qui sautait sur la plateforme et qui poussait l'autre dans le vide. Alors, en fait, c'est un ancêtre de Worms, ça, parce que vous vous souvenez aussi de Worms. Hein, Putain, les parties. Voilà, c'est ça. Ah mais oui, mais en moins rigolo. Donc ça a été catastrophique, c'était nul et voilà. Donc ça reste un souvenir. J'en garde un souvenir ému. On va dire ça pour être encore un petit peu poli. C'était Ubisoft en plus, hein, je crois. Non. Ouais. Mais généralement les. Ça mériterait d'être infogramme. Ouais. Ouais. Voilà. Mais ils étaient bons les jeux infogrammes. Tu sais. Les jeux vidéo, les adaptations de films en jeux vidéo, ça a toujours été vraiment pas terrible. Il y en a certains qui sortent du lot, mais généralement, quand on a une adaptation de film à tester, on se dit voilà, pouf. Ouais, il faut tirer au sort. Qui sait qui va se les taper. Voilà, Creeper, t'es là. Je suis expert en voilà. Trucs pourris donc. Et les termes. Par rapport à l'essence, Teb, vas-y. Et les petits nous, vous avez des souvenirs aussi, vous, de jeux à tester qui étaient vraiment pas terribles. Vous, ça parlera peut-être plus à nos auditeurs, vu que ce sera plus récent. Oh oui. Le truc qui vient du cœur. Alors, le plus pourri que j'ai testé, parce que le truc qui est dommage, c'est que ça partait d'un bon concept, c'est Bedlam. Alors, qui retraçait un peu, entre guillemets, des FPS historiques, graduellement, en fait, dans le temps. Et au final, le truc s'est retrouvé être une bouse. Mais c'était pénible à jouer, c'était moche, il y avait des bugs de partout. Mais on a testé ça, nous ? Eh ben oui, c'est moi qui l'ai testé. D'accord. Mais les salauds, en fait, ils en avaient rien à foutre, mais ils lui ont refilé quand même. C'était long, c'était dur. Voilà. Et je crois me souvenir qu'il y avait aussi un peu un gimmick aussi avec Stéphane, qui avait eu aussi un jeu à tester qui devait être horrible, mais je me suis dit... X-Blade. Absolument... Voilà, X-Blade. Oui, bien vu. Ouais, ouais, mais je pense que ça a dû le marquer aussi parce que plus d'une fois il nous en a reparlé. Hein. C'est clair. Alors est-ce que quelqu'un un autre jeu aussi qui l'a un peu marqué, un peu, qu'il a dû se coltiner à cause du site ? Oh putain, il y en a quand même eu tellement quoi. Le, je sais pas, ouais. Moi j'ai peut-être dû rédiger plus de 200 tests, enfin j'en sais rien, je un truc dans ce genre-là. Oh le mec, ça pète et tout là. Non, c'est pour donner une idée que sur la proportion, tu ramasses un bon paquet de merde. Et je dois dire que j'ai eu pas mal de difficultés à vivre le changement de génération et des jeux indés à l'appel, dont des sacrées merdes quand même. Mais Toro, qui était quand même une énorme catastrophe, mais je crois que d'avoir eu à faire Goat Simulator, c'est peut-être ça qui m'a achevé. Quoi. Oh, yeah. Je me souviens d'avoir fait un jeu d'avion qui m'avait beaucoup emmerdé, mais je m'étais dit, je suis sûr qu'il trouvera son public et que c'est un bon jeu dans le fond, que juste je ne suis pas le public. Du coup, par souci d'impartialité, je suis juste allé voir la note sur jeuxvideo.com et effectivement c'était un mauvais jeu puisqu'ils lui ont mis 16. Ils lui ont pas mis 95%, non ? Et donc c'était IL2 Sturmovik, je me souviens, l'avion se traînait, allait à 2 à l'heure, et il me semble bien que quand tu mourais au milieu d'une mission, tu devais tout retaper du début du décollage jusqu'à l'arrivée sur cible, qui devait parfois durer 2-3 minutes, où tu faisais rien. Ouais, c'était un jeu assez stimulation, hein. Les IL2 sont toujours réaliste. Été assez réalistes. Après, sur console, hein, on fait ce qu'on peut sur console par rapport au PC, mais c'est vrai que ça devait pas être super fun pour le joueur lambda, on va dire. Il fallait mettre la musique de Top Gun, c'est tout. Bah voilà, c'est ça. Ça change. Ouais, mais Top Gun, quand tu traînes à 2 à l'heure, c'est pas terrible. Alors, il faut savoir aussi que on peut très bien avoir des jeux qui sont pas mauvais, mais ça peut être horrible pour le testeur. Parce que quand on teste les jeux, parfois c'est des jeux dans des genres dont on se fout complètement, quoi. Donc ça peut demander un effort assez violent pour jouer, et on arrive au paradoxe que Sanju a décrit, où on se dit, ben, fondamentalement, ça doit probablement être un jeu pas mal, donc faut faire un peu abstraction, se mettre à la place du public, etc. Mais on se fait bien chier en y jouant quand même, quoi. Merci Ron pour cette dernière. Par exemple, le prologue de Metal Gear en ce qui me concerne. Quoi. Ah oui, bon, Ron, c'est bon, c'est sûr. On va me couper ce montage. Ah, j'ai réussi à la placer celle-là. Je suis pas mécontent. Quel salaud, rien ne l'arrête. Il a bien introduit, n'empêche. Hein. Ouais, t'as vu quand je l'ai mis. Et donc, alors, c'est parti de loin, c'était pas mal. Les petits derniers, alors. Donc, Dragook, vu que t'es arrivé avant. Mais j'en ai pas eu, j'ai pas eu des masses de tests à faire, quoi. J'en ai eu que 4. Ah oui, Dragoo, il est news. Non, j'en ai eu que 4, quoi. J'en ai fait en mode gros dépannage sur Elite Dangerous parce que personne connaissait le jeu. Donc, comme il était déjà en preview et qu'il sortait au bout d'un moment, bah voilà, quoi. Fallait bien au moins tester la version finale. Et comme j'avais plus de 200 heures dessus, forcément, je m'y suis collé. Puis après. D'ailleurs, t'en as fait baver quelques-uns. Ah, ouais, c'était beau tes vidéos. Ouais, hein. C'était chouette. Après les vidéos, oui, en même temps je pouvais me le permettre. Et c'est un jeu qui est déjà magnifique, alors t'as pas besoin forcément de faire grand chose pour embellir ça. Puis après j'ai fait un jeu tout pourri, mais déjà je suis allé à un event, je sais pas pourquoi j'y suis allé parce que c'était naze. Je suis parti à Londres jouer à Halo 5. À quoi ? À Halo 5, tu connais ? Ah ouais, d'accord. Alors, c'est censé le jeu, le gros blockbuster de la console. Voilà. Putain, j'ai dû y aller. En plus, j'y suis allé en mode remplaçant presque à la dernière minute, ça m'a fait chier. Et après, bah voilà, Arwen, tu t'es pété, enfin je sais pas, tu t'es fait. Là, j'ai les poignets niqués, ouais, je pouvais pas le tester. Voilà, je me suis dit, putain, ça va tomber sur ma gueule encore cette histoire. Et forcément, c'est tombé sur ma gueule. Donc voilà, le deuxième test que j'ai dû faire sur Xboxygen, c'était Halo 5, donc je pense pas que mal pas le dépucelage. Hein. Voilà, tu commences par Elite Dangerous et tu fais Halo 5 derrière. Il y a encore de la chance. Que des bons souvenirs. Ouais. Hein. Il y en a qui ont commencé par Terminator Renaissance quand même. Hein. Allez, je voulais pas reparler, ça ne sert à rien. Vous remuez le couteau de l'appli, il va mal dormir après. Moi j'aimerais bien qu'on up le test de Terminator Renaissance quand même, que les gens puissent se rendre compte. Alors, le mettre en lien en commentaire. Vous trouvez très facilement, de toute façon. Je me rappelle, bah, dans les bons points, il y a l'ambiance musicale. Le jeu est voilà, que 4 heures de jeu, non, et 1000G facile. Ah oui, c'est vrai, il y a tout ça aussi. Et donc, pour rester justement avec nos petits jeunes, alors vous, votre entrée dans le site, Drago, tu t'en souviens de quoi alors? C'était avec une news spéciale recrutement We Need You. Ah, donc toi, tu es un des rares qui a fini par entrer parce qu'on lui demandait, les autres, ils sont tous rentrés sans leur demande. Hein. C'est ça, je suis même pas allé me proposer en grattant la porte. Non. Non, j'ai vu l'article. D'ailleurs, on était trois à se proposer. Il y avait Ragan et Deli, Florian. Ouais. Et du coup, à peine 2 ou 3 semaines plus tard, je reçois un message privé sur le site. Voilà, j'étais un peu tout foufou parce que je venais à peine de plus avoir le boulot. Donc je me suis dit, voilà, enfin, je vais pas me faire chier. Je vais avoir quelque chose à faire. Et bordel, quoi, j'étais tout fou en imaginant comme ça, écrire des articles, me déplacer pour essayer des jeux en exclu. Et depuis, il regrette. Xboxygène, c'est Disneyland. J'ai fait Halo 5, j'ai joué Halo 5 2 fois en avant-première, alors voilà. Oh le mec. Xboxygène, ça vend du rêve. T'as, il est salaud, il y a des mecs qui ont commencé par de la merde, il y en a, ils arrivent, et puis on leur fait des jeux de fou et tout. À mon avis, je pense qu'il va falloir qu'on parte à Londres et tout. Ouais, il y en a aussi qui ont passé pendant 4 jours de 6h du soir à 7h du matin à relayer le 3. Hein. je sais pas si c'est si formidable que ça, on en reparlera un peu après. Et toi, Raga, alors ton entrée dans le site? Eh ben, mon entrée dans le site, c'était comme Drago, en fait, sur la même news pour être newser, en fait. Et au final, j'ai pas été pris comme user, mais comme testeur. Voilà. Et t'as été content quand même? Ah bah oui, j'étais content quand même. Voilà. En fait, j'ai postulé parce que j'avais pas de boulot. Et comme j'ai passé quelques temps chez Gamekult par le passé, je me suis dit que ça me ferait plaisir de retenter sur un site, qui plus est sur un site spécialisé Xbox. Donc j'ai tenté ma chance et voilà, ça s'est bien passé. Eh ben c'est super, j'espère que vous serez encore là un bon paquet de temps. Est-ce que c'est vrai quand on regarde, eh ben, au final, la majorité des rédacteurs de maintenant, c'est des rédacteurs du début. Ou presque du début, on va dire. C'est moite-moite, ouais. Moite-moite. Voilà, hein. Presque, ouais. Ouais, maintenant, presque. C'est, maintenant, c'est passé moite-moite, ouais. Ah, ouais, c'est vrai qu'avec l'explosion des jeux indés et puis de la surcharge de travail que la Xbox One nous a apporté, et plus bon la recrudescence de, on va dire, de notre notoriété, a fait qu'on a dû multiplier un petit peu l'équipe par deux, hein, mine de rien. Ouais. Non, c'est vrai. 15, que chacun aurait des trucs à faire. Hein. Parce que le. Bon, déjà, vu le nombre qu'on est, c'est déjà difficile de se retrouver un soir. Alors à 15. Ouais, voilà, ouais. Mais on pourrait remplir 15. Enfin... On le dit pas, mais finalement, on a eu quand même pas mal de lettres de motivation lorsqu'on a ouvert les vannes pour justement essayer d'agrandir l'équipe. Et puis, le choix était difficile quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, en fait, on va privilégier des gens qui ont le bon état d'esprit, qui sortent de l'ordinaire, qui des sont battants. Des battants, quoi, des... puis qu'on pote. C'est vrai que, mine de rien, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai que le temps nécessaire pour faire tout ça, c'est quand même quelque chose. Et on se demande comment font les mecs qui sont censés bosser, hein, comme JC. Hein, JC, comment fais-tu? Bah, faut être organisé. faut comment dire être doué. Ouais, ouais, c'est vrai, faut être tout à l'heure. Comment dire le mec il osait pas le dire, tu sais. Ouais, il faut... c'est comme dans la vidéo de l'E3 quoi. Curieux. Ouais. Alors justement là, puisqu'on parle de E3, racontez-nous un peu. Alors au début les E3, alors ça se passait à Los Angeles pour vous ou pas là? On se faisait d'ici là, au départ. Ben oui, non. Mais on s'en déconne. Alors attendez, vous venez de commencer, vous n'avez pas encore à l'E3 à Los Angeles là, c'est quoi ce bordel? Ah, au tout début c'était folklore. Hein. Bah, jamais on aurait imaginé aller à l'E3, je pense. Ouais. Enfin, au lancement du site, il n'y a pas un seul de nous qui imaginait qu'on irait. Bah, c'est clair, je me rappelle du premier jeu qu'on avait eu, c'était Saints Row, c'était déjà fou. Ouais. Et c'était combien de temps? C'était au bout de combien de temps alors que les éditeurs ont commencé à envoyer des jeux, alors justement, puisque je sais pas, mais peut-être 6 mois, je sais pas, un truc comme ça. Non, ouais, je sais pas trop. Non, je pense bien plus que 6 mois. Non, mais Thomas, il suffit de regarder sorti Saints Row. Attends, non, moi je pense que c'était ça a été assez vite, mais au début, le flow il était light. Chaque jeu qu'on recevait, c'était un peu un événement, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand Saints Row il est sorti en septembre 2006, ouais, donc ça fait à peu près ça. Oh putain, je pensais ça fait 6 mois. C'est tôt. Ouais. Au tout début, on nourrissait les rubriques de traitement. Enfin, les jeux, c'était ceux qu'on achetait. Il y a un moment, je me rappelle, je m'étais abonné à un truc de location pour recevoir plus de jeux et pouvoir les tester. Quoi. En même temps, Saints Row, c'était HQ, on voit ce que ça a donné. Hein. Oui. Et n'empêche qu'ils ont été les premiers à nous faire confiance. Franchement, c'est pas mal. Et alors, fait des bisous aussi, alors. Maintenant, on a trop de jeux, on sait plus quoi en foutre, en fait. Bah, bravo, ça va donner une belle image. Plus personne ne va en verra. C'est clair, ça, faut couper au montage. Hein. Bah, faut couper, ça. Et donc, sinon, alors, les premiers E3, racontez-nous un peu comment vous organisez, alors. Parce que les gens, peut-être, n'imaginent pas trop comment ça se passe. On ne s'organisait pas. Hein. Ah, ouais, voilà, c'est ça le secret, en fait. Un petit peu, quand même. Enfin, on savait que c'était chaud, fallait suivre les conférences, fallait pouvoir... Là, pour le coup, en tout cas, au départ, on n'était pas très nombreux, vous avez bien compris. Donc, tout le monde était un peu sur la brèche, hein. Pendant ces périodes-là, et puis on faisait les news le plus vite possible, quoi. D'ailleurs, si je peux me permettre, donc moi je regardais, j'étais plus du tout, je crois, déjà dans les équipes à l'époque. Moi, j'ai toujours été bluffé par leur efficacité pour gérer les E3. C'est-à-dire que je suivais ça donc dans les news directement. Après, donc t'avais tout ce qui était Twitter ou Facebook, etc., etc. Mais j'ai toujours été bluffé par la vitesse et par la qualité, sans rentrer forcément dans le truc à clic. On va avoir habituellement dans la plupart des sites, mais par la qualité, la vitesse de gestion de tout ça, moi, j'ai toujours été bluffé. Donc, bravo les gars. Merci Creeper. Ouais, donc on est bien doué alors. Non, franchement, c'est des trucs qui sont pas évidents à faire, et tu peux partir dans tous les sens, et tu peux avoir des doublons, etc. Mais à chaque fois, ça a toujours été plutôt bien géré. Donc c'est quand même la classe pour un site comme ça, indépendant et tout, c'est cool. Et bénévole aussi, c'est ça qui est ouais, fou. Bénévole, ouais. Parce que il fait comme si c'était un peu le bordel, mais c'est pas vrai, hein. Pour les E3, moi je trouve que c'est plutôt vachement organisé. Quoi. Non, oui. Au début, c'était peut-être le bordel peut-être au début. Mais... Oui, c'est vrai qu'après, il fallait que ça soit carré, de toute façon, sinon JC, il nous tapait sur la gueule. Mais ouais, de toute façon, il fallait quand même être organisé un minimum pour savoir qui fait quoi, pas faire les mêmes news en même temps. Le fait de faire une news, de prendre son temps, de faire un truc vachement bien et de se rendre compte que JC l'avait déjà fait il y a une demi-heure. Ah ouais, putain. Oh putain. JC, oui, Dragon, c'est arrivé plein de fois. Et attends, maintenant c'est JC qui fait ça. Aujourd'hui, il a fait deux news que Dragou il avait fait hier. Non, c'est l'âge, c'est la vieillesse. Et en plus, sur l'une des deux, j'ai pris le temps de regarder. Ah non, ça n'a pas été fait. J'avais la liste. J'ai rien vu. Je suis bon, allez, vas-y. Je fais chier, faut que je le fasse. Et je l'ai fait. Et puis après, j'en sors un SMS. Ah, bah, je pense que c'est bien fait. Je pense que toutes les fautes que tu as fait, et pas que ceux qui sont encore là aujourd'hui, mais même ceux qui sont passés par la rédac pendant quelques temps, sont tous passés par là, à prendre son temps, à être content. Oh, j'ai fait une belle news, elle est belle, et puis la poster, et merde, derrière, c'était. Je pense qu'on est tous passés par là. Ah, c'est terrible. Que quand c'est une news que JC a faite, il rajoute encore plus à ça en t'envoyant un scud derrière. Sur le forum en général, c'est déjà fait. Entre parenthèses, pauvre merde. Oh putain, ça balance. Je trouve que tu m'imites mieux de ce côté-là maintenant sur le forum. T'as pris ce ton-là. Ah, c'est vrai, je suis le ton du mec doué en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça le gars qui est c'est au-dessus. C'est moi le fond. Loser. Sinon, alors avec. Oui, Ron, tu allais dire un truc intéressant. Sur l'ami JC, parce que quand on est vraiment en coup de bourre ou qu'il y a des gens en vacances, il m'arrive de me transformer en user de temps en temps. Sur des courtes périodes, hein, rassurez-vous. Et c'est encore pire, quoi, parce qu'on te dit ouais, les mecs, c'est bon, je peux vous aider, je vous jure. Je peux faire quelques news. Alors tu t'appliques, tu vas faire tes news. Et là, quand tu postes, JC. Putain, c'est pas vrai. Tu peux pas m'en laisser 2-3, quoi. Et tu te retrouves obligé, pour servir à quelque chose, d'aller chercher un truc obscur dont personne n'a rien à branler, de mettre 3 pauvres screens d'un jeu dont tout le monde se fout pour dire « Ouais, je vais montrer que j'ai participé, quand même. Hein. Je vais faire une news sur un jeu de flipper. Ça va passionner les foules. » Ah bah, notre ami Zedix, hein, que l'on salue, d'ailleurs, hein, qui est passé parmi nous et tout ça, est un grand fan des jeux de flipper. Mais bah, ça en fait 2, alors ça te fait 10 news, ou là tu cliques pas beaucoup. Hein. Et donc sinon, pour en revenir aux E3, alors à partir de quel moment vous avez commencé à toucher du doigt le fait que oui, c'était possible, vous allez peut-être pouvoir aller à Los Angeles? Bah, c'était il y a 4 ans là. En 2013, non? Mmh. Avant la sortie de la Xbox One. Microsoft vous a fait un joli chèque? Du tout. Non, on a payé avec l'argent de la pub. Oui, voilà, alors vas-y Tom Chou, explique-nous un peu d'où vient l'argent, alors, parce que bon, vous pouvez faire des choses, donc en gros, on résume, ouais, un peu l'argent du site sert à payer donc l'hébergement, le serveur, le nom de domaine, payer, ouais, le type formidable qui vous code le site. Voilà. Et puis après, y a tout le reste ensuite. Bah après, l'argent sert grandement aux événements, donc à se déplacer à l'E3, à louer la bagnole. Le taxi, l'essence, enfin, tout ça coûte de l'argent. Les soirées. À louer la Chevrolet. Les soirées, la Camaro. Les pubs, la coke, tout ça, quoi. Tout ça, et la Gamescom aussi. Ah non, s'il y avait ça, Ron, ça ferait longtemps qu'il serait parti à Los Angeles. Bah, hier, c'était l'année dernière, pourquoi tu crois que je suis allé? Oui. Ah oui, exact, c'est vrai. Et en gros, c'est ça, après, on se paye des jeux et on essaye quand même de se faire plaisir entre nous, quand même. De temps en temps, quand on et, peut. Et on paye le site aussi, enfin le serveur et compagnie. Il hein, y a un ouais, investissement dit, aussi, ouais, pour faire tourner. Oui, c'était ça, ouais. Ouais, au début, j'ai dit les frais fixes, un peu. Tout ce qui est frais fixes à payer d'abord, et puis après, tout ce qui reste, ouais, après, c'est vous voyez un peu ce que vous arrivez à faire avec. Ça fera 4 ans de suite qu'on ira à l'E3, et quand on y pense, c'est quand même un truc de malade. À chaque fois, je dis ça à quelqu'un. Oh putain, c'est vrai, t'es déjà allé à l'E3. Ah putain, enculé, ça fait 4 ans. Enfin, vraiment, c'est quand même pas anodin, surtout pour un site amateur. Peut-être qu'il y a des sites pro qui partent même pas 4 fois de suite à l'E3. Quoi. Mmh. Mais est-ce que ça sert encore d'aller à l'E3 alors? Ah, grand débat. Bon. Mais cette année, on aura un bel E3, je pense encore. Ça sert, ouais, encore, même si chacun fait un petit événement à côté, y a encore, enfin, c'est encore assez d'aura pour intéresser les gens. Bah, c'est quand même un concentré d'actualité. Alors moi, c'était la première fois que j'y allais l'année dernière, et je dois dire que c'est pas pareil quand on est sur place et qu'on peut vraiment tout essayer que quand on se contente de relayer. Enfin, en tout cas, dans le traitement qu'on se doit d'en faire, c'est pour ça qu'on essaye plus d'appuyer sur les impressions qu'on a. Ça, c'est des choses que t'as que quand tu joues, pas quand tu regardes une vidéo, quoi. Et pour ça, faut se déplacer. Et puis, faut que ça reste une fête, quoi. Le 3, merde, tu vois, c'est... C'est la fête du jeu vidéo. Donc, après, je pense que c'est les aigris ou ceux qui ont peut-être trop l'habitude d'y aller aussi, qui disent voilà, bon, on en a marre de l'E3, est-ce que ça sert vraiment avec Internet, avec tout ce qui est sur Twitch, tout ce que tu peux regarder. Enfin, il faut quand même que ça reste une belle fête du jeu vidéo et c'est quand même la classe d'y aller. Enfin, emmenez-moi, s'il vous plaît. Il faut dire un truc sur l'E3, c'est que depuis qu'on y va, il y a un truc qui baisse continuellement, c'est les babes. Hein. Ah ouais, c'est tant mieux. En termes de nombre, en termes de qualité. C'est parce que Rhône les embarque. Attends, l'année dernière, c'était des zombies à la place des babes. Voilà. Sauf chez Nintendo, pour faire venir les papas. C'est ça, exactement. Nintendo, déjà l'année d'avant, c'était ça. C'était leur stand. Et une jolie moquette, Dixit Tom Choucrou, qui faisait une visite des stands de Nintendo. L'année dernière, il n'y avait pas de jeu, mais c'était le seul site où il y avait des nanas. Ouais. Et justement, alors, c'est l'occasion de tester genre HoloLens dans les premiers mondiaux pour Erwan, quoi. Enfin, c'est voilà. Un truc de fou. Ah ouais. Ça, c'est cool, ça. Bah, quand même, ouais. Et justement, alors, comment vous organisez un peu alors quand vous partez, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Racontez un peu les dessous là pour tous les auditeurs qui doivent rêver sûrement d'être à votre place. Bah, comme chaque année en janvier, non, en décembre, on se dit putain, il faudrait acheter les billets, puis on les achète en février. Et puis on réserve la piole aussi, et après on se fait un calendrier partagé avec tous les jeux qu'on teste sur la semaine, où chacun donne aussi ses préférences. On essaye de se faire un tableau où on met les jeux qu'on pense voir ou tester, et puis chacun dit moi lui il m'intéresse, et après on fait le dispatch entre nous. Et d'ailleurs quelques semaines avant l'E3, on connaît des jeux que personne ne connaît encore et on n'a rien le droit de dire. Oh, les salauds. Ouais. Ou alors on a des slots qui sont réservés, voilà, rendez-vous. Genre 14h, jeu secret, code machin truc. Et après, sur place, ce qui se passe, c'est juste super fatigant, quoi. On passe notre temps à courir. Justement, parce que les gens s'imaginent que c'est le rêve, que c'est super qu'on teste des jeux, mais c'est vrai que c'est quand même assez fatigant. Ouais, on dort pas beaucoup. On se couche très tard, on se lève très tôt. C'est un rythme de fou. En gros, à quoi ressemble un peu une journée type, en gros, un peu à l'E3 alors? Il y a deux phases, il y a la phase conférence et après il y a la phase salon, donc c'est deux rythmes un petit peu différents. Mais cette année ça va être encore plus chaud parce que les conférences vont être dès le dimanche, ouais. Notamment avec EA. Et du coup, décalage horaire ou pas, il faudra attaquer direct. Donc ça va être crevant. Du coup, faut relayer ça, plus les news derrière, plus les vidéos à monter, à faire, à publier. Du coup, on se couche très tard. Ouais, on se couche. En général, une journée type, c'est quoi? On finit de se coucher, il est 2h quand on a fini, on se relève le lendemain à 8h. Plus, 7h. Ouais, parfois, même avant, parfois. Ouais. Mais alors, quand est-ce que la journée, on court partout, quoi. Quoi? Quand est-ce que vous amusez au final, alors? Non, pas le dernier jour. En plus, dans l'avion. Bah. Quand on court sur la plage et qu'on prend une douche gelée. Hein, sans doute. D'ailleurs, ouais, vous avez des anecdotes marrantes à nous raconter là sur les uns autres, non? Allez, balancez de la sauce là. Ah bah, j'étais dans un hôtel particulier, moi, donc je peux. Ah oui, c'est vrai que Rhône, lui, c'était le big boss. Hein. C'est vrai que Microsoft a repéré depuis longtemps qu'ils avaient un bon client. Donc ils se sont dit, lui, on va l'inviter, on va le cajoler. Ouais. Alors explique-nous pourquoi t'étais à part, toi. Non, parce que l'année dernière on a eu un billet surprise au dernier moment qui a été octroyé par Microsoft, ce qui fait que c'était pas forcément prévu que je vienne à l'origine l'année dernière, mais j'ai pu me greffer sur le voyage. Et quand je vois le boulot qu'il y a à battre là-bas, j'ai envie de dire que c'était pas plus mal. Ah non, c'est clair. Parce que l'air de rien, ça m'a donné accès à un certain nombre de choses, comme disait Tom Chou, à HoloLens ou à des trucs comme ça. Et puis voilà, mais donc du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu choyé, moi, l'année dernière. Mais il a tout fait les jeux de ouf, quoi. Il a fait Tomb Raider, voilà, il a fait HoloLens. C'est ça. Du coup, en avant-première, et nous, on s'est tapé tous les trucs à la con. On a fait le sale boulot. Vraiment très choyé, quoi. Ah, ça balance, allez, continuez. Je suis sûr que vous avez des petites anecdotes à raconter, là, non? Pas une histoire d'araignée, non? Ah non, c'est pas ça. Mais non, c'était au château. Oui, non, je sais, mais on sait jamais, hein, comme Sanju est spécialiste là-dessus. L'histoire d'une pizza aussi qu'on avait commandé soir. Putain, c'était la première année de l'E3, enfin qu'on a fait ensemble, et on s'est dit tiens, on va se faire livrer une pizza. Le rêve. Je sais plus comment. Ouais, voilà. Je sais plus comment on l'a commandé sur un prospectus, ou je sais plus comment on a trouvé le livre pizza. On ne sait pas quelle taille commander ni rien, du coup on prend la plus grande, forcément. On avait faim. Et mais évidemment, tout le monde ne voulait pas la même pizza. Heureusement, on était au moins deux à vouloir la même pizza. Du coup, on se dit, on va prendre une grande. Et le gars, il arrive en voiture et pas en scooter, comme ici, par exemple. Déjà, c'est mauvais signe. Et je sais plus qui a ouvert la porte en premier, c'était pas moi. Et moi, j'étais là, sur la terrasse dehors et j'entends rigoler. Et la pizza, enfin la boîte de pizza, était aussi grande qu'une table. Elle passait même pas la porte. Et le gars, il a ouvert la porte, enfin il est rentré, il a vu 4 Pékins, il s'est dit, mais ah non, c'est pas une fête. C'est pas une teuf. Parce que c'était un peu la pizza faite pour soirée. Ouais. Nombreux. C'est un truc énorme. Et de faire 1m20 d'envergure, je pense. Ouais. Et il y en a un qui a dormi. On en a bouffé pendant les 3 jours qui ont suivi. Quoi. Et du coup, la durée de vie de la pizza était de 3 jours au moins. Ouais, c'est clair. C'est bien soir et matin. On mangeait le soir matin et petit déjeuner. Ouais. Alors, pour dire. Mais le prix, vous a pas mis la puce à l'oreille, non? Bah, c'était pas cher. Non, c'était pas cher. D'accord, en plus. 15 euros, un truc comme ça. Ça devait être de la c'est bonne les merde. Hein. Ouais, c'est les États-Unis, tout est énorme là-bas. Mais heureusement, elle était prédécoupée, c'était cool. Bah, sinon, il fallait ramener ceci là. C'était pour qu'elle passe la porte. Et donc là, depuis quelques années, vous êtes mis aux vidéos. Et apparemment, ça n'a pas été facile au début. Hein. La première année, on a fait plein de vidéos. Enfin, quelques vidéos quand même, hein, qu'on n'a pas pu mettre en ligne parce qu'on a regardé très mauvais, vidéos. Faut le dire. Hein. On a juste fait un bêtisier. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs drôles dans ces vidéos, mais rien de montrable, vraiment. Vous êtes quand même bien amélioré avec le temps. Hein. Ah, tu te trouves Oh putain, quel enfoiré. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas été à l'E3, il n'a pas été invité, donc à mon avis. Non, moi j'attends le deuxième billet surprise qu'on aura cette année. Non, c'est vrai que celui dernière, le troisième E3 pour nous, voilà, on a cartonné au niveau vidéo, c'est vrai qu'on a bien enchaîné, et puis l'exercice est devenu un peu plus facile qu'au début, c'est clair. Ouais, j'aime bien, moi, ça. Des anecdotes où genre on a filmé avec Harold, je me souviens qu'on a fait un tour de stand ou je sais plus ce qu'on a fait. Pendant je sais pas, peut-être 20 minutes, on a fait tout le tour en disant alors voilà le stand de machin, ici regardez il y a ça. Et puis à la fin on fait bah c'est bon on arrête et tout ouais. Et puis on se rend compte que le micro il est pas branché quoi. Ah, là. Et on a fait la même chose l'année dernière avec, je crois que c'était avec toi et Ron, sur les impressions de je sais plus quel jeu. Ouais on en a inventé une comme ça. Moi avec Ron, je sais plus, il y avait pas le micro de branché. Voilà j'ai essayé ça aussi. Et il y a Witness qui tenait la caméra et fait ah bah tiens il y a un fil qui... C'est un quoi le fil là. Wipness, qu'on salue d'ailleurs, hein, qui aurait pu être parmi nous ce soir, mais qui n'a pas pu. Oui. C'est un qui a participé aussi un peu à la vie du site. Le célèbre Whip Whip. Whip Whip. Le beau gosse d'Oxygène. Notre mélomane aussi, parce qu'il nous fredonnait quelques petites chansons le matin en se levant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Très gai. Ah, ça, je suis sûr que tu aimais beaucoup alors, Tom Chou. Allez, après toutes ces grandes révélations, on va passer à une autre question d'auditeur. Alors, j'ai quelqu'un, donc je m'abatte. Le célèbre. Oui, un très grand assidu. Récurrent des commentaires, ouais. Donc, rapidement, il nous dit, en proposant un site dédié à l'Xbox 360 à l'époque, alors quels sont les facteurs qui vous ont réunis ? Et être exclusif, donc je pense qu'il parle exclusif à l'Xbox, c'est pas exclusif entre vous, je pense. Alors, quels sont les facteurs qui vous ont réunis ? Bah, disons, je pense qu'on peut répondre vite fait, hein. C'est un peu le fait de se connaître déjà d'avant, hein, de l'époque de tout gamers, hein, parce qu'on était tous là-bas, une bonne partie, on était là-bas au départ, quoi. Ouais, on en a parlé de ça. Et être exclusif donc à l'Xbox, comme Tom Schuss, parce que lui, il a décidé au départ, hein, on va dire. Ouais, il y avait une question d'actualité aussi. Hein. La machine allait sortir et il n'y avait personne qui sortait en face à ce moment-là. Mmh. Elle était populaire. Ça a quand même pesé pas mal dans la balance, je pense. Hein. Puis, on s'est déjà posé la question de lancer un site PS4, mais on se dit qu'il y a tellement de boulot sur Xboxygène qu'il faudrait une autre équipe de ouf. Quoi. Enfin, pour faire aussi bien, on ne veut pas lancer un truc et faire moins bien que les autres. Quoi. Et bon, en plus, c'est, avec c'est, le plus. C'est, oui, c'est vrai qu'il y a eu toute une époque un peu avec autre chose, mais au final, bon, elle a périclité d'elle-même, on va dire, tellement le reste était assez fourni. Mais c'est vrai qu'au final, il n'y a plus vraiment de concurrence, alors que sur le côté Sony, après, c'est une question aussi d'implantation de la marque, il y a beaucoup plus de sites. Mais c'est vrai que des sites Xbox, au final, maintenant, il n'y en a plus tellement que ça. Hein. Bah, il y en a 3-4 encore avec nous, quoi, je pense, qui marchent bien, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont arrêté, en tout cas depuis 10 ans, il y en a plein qui ont fermé ou alors qui ont vraiment plus beaucoup de choses, quoi. Bah, on les a bouffés, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Vous avez racheté des OP agressives. Alors, il nous demande aussi, 10 ans après, quel est votre ressenti sur ces 10 années et celle à venir? Oh! Putain, c'est dur comme question. Alors on va limiter à ça, disons, votre ressenti par rapport au site, par rapport à ce que vous avez accompli un peu. Oh bah, la fierté. Voilà. Ouais. Gérald, tu as dit quelque chose peut-être avant. Non, enfin oui, non, mais je voyais le ressenti, enfin, par rapport à l'histoire de la Xbox, par rapport à la console la marque qu'on a suivie depuis le début. Moi, c'est vrai que je reste très attaché à la Xbox, ne serait-ce que par son côté un petit peu atypique qu'elle avait au début. Même le côté atypique de Kinect, je l'ai pas rejeté d'emblée. Moi, je trouvais ça intéressant, même s'il avait été très mal utilisé. Je pense que Ron doit trouver. Ouais. Exactement. on doit être que les seuls justement à avoir cette. Et comme par hasard, vous êtes les seuls à avoir des mômes. Non, c'est vrai, voilà. David, mais David n'a pas vu ça. Et on est vieux aussi, peut-être. Ah oui, David n'est pas vieux. On a commencé, nous, tu sais, c'est, on faisait tourner les consoles en faisant du vélo dessus pour que ça marche, avec deux couleurs. Il fallait qu'on dessine sur les. Fallait qu'on pose des post-it sur l'écran pour pouvoir jouer. Hein. Tu t'en souviens de ça? Ah là, les Télé-Tactica, ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, non, c'est sur la console en elle-même, c'est vrai qu'on a pu suivre avec l'aide de ce site-là toute une évolution qui était quand même très intéressante et bon, il faudrait quasiment faire un podcast dédié pour en parler. Mais c'est vrai que le côté attachement à la marque et à la console a été renforcé par ce suivi et par notre investissement dans le site. Donc c'était très très intéressant et c'est vrai que la PS4 me paraît un petit peu loin encore, tu vois. Voilà. Et pour les 10 ans à venir, alors qu'est-ce que vous voyez pour la console, du moins, hein, disons, je dirais pour la marque Xbox, vu un peu ce que ça a donné avant, alors qu'est-ce que vous voyez un peu pour. Je dirais, enfin moi, justement pour continuer, je dirais que le marché de la console de jeu est en pleine évolution et va radicalement changer dans les quelques années à venir. Je sais même pas si, enfin tout ce qui a été décrié avec force. Il y a Nicube de cela, il me semble. ça arrive, quoi. On est en plein dedans. Et est-ce que les consoles de jeux de salon vont avoir un avenir dans un futur plus ou moins proche? Je sais pas. Je peux pas dire. Quoi. On verra. On suivra. Ouais, puis de toute façon, dans 10 ans, on sera mort. Hein. Oui, surtout. Que... C'est vrai qu'on en avait parlé un peu dans les podcasts précédents et puis à d'autres occasions. C'est vrai que l'actualité un peu s'y prêtait, mais c'est vrai que je pense qu'on est un peu une charnière un peu, je pense. Hein, on est arrivé à la fin d'un cycle un peu là, le cycle de la nouvelle console plus puissante. Je pense qu'on est arrivé au bout déjà. On a bien étrenné le principe et c'est vrai que là il y a quelque chose à changer à mon avis. Ouais, mais pour nous en tant que site et pour répondre à la question donc dans les 10 ans à venir, je crois que les 10 ans à venir ils commencent dès maintenant. Cette histoire du cycle de l'intérêt qu'on a ou pas pour les notions de puissance, bon, je mets ça de côté. 10 ans c'est une longue période et maintenant plus le temps avance, plus l'histoire des jeux vidéo est riche. Et plus en tant que site, je pense qu'on se doit aussi d'apporter autre chose que à côté du traitement de l'actualité. Un point de vue qui doit être le nôtre. Enfin moi c'est ce que je fais de plus en plus, donc évidemment c'est ce que je vends là, mais c'est aussi la façon dont mute le site et mute la façon dont on rapporte les choses. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça ressemble pas à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Quoi. Une belle évolution du site. Alors tu es content un peu de la manière dont ça a évolué? Ah bah ouais, moi, carrément, hein, carrément. Mais on l'a assez dit, c'est quand même énormément de boulot, énormément de choses à faire. Donc il faut le temps que tout se mette en place. Tout ça, ça prend du temps. Faut que chacun ait un rôle. Faut que chacun soit à l'aise avec ce qu'il fait. Et comme on l'a dit, on n'est pas payé. On n'est pas des professionnels. Donc tout ça, c'est sur notre temps libre, quoi. Donc ça fait que ça avance à la vitesse où ça avance, mais je pense qu'on peut quand même être fier du boulot qu'on a fait et de la qualité de ce qu'on sort. Voilà, c'est presque un challenge permanent de maintenir ce même niveau de qualité, mais bon, c'est pas les idées qui manquent, ça on en a sans arrêt. Et je crois que les lecteurs l'ont vu, il y a des nouvelles rubriques qui viennent régulièrement, on essaye d'apporter des choses tout le temps. Donc on n'a pas fini hein, sur les années qui viennent de pouvoir apporter du contenu, quoi. Que de belles paroles, je trouve. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est formidable. C'est beau. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Hein. Oui, je pense qu'on peut te lancer des fleurs, là. Ouais, c'est une bonne idée. On l'a enregistré ou le micro était débranché? Non, on l'a enregistré. Hein. Donnez-moi des sous. C'est là, on l'a. Allez, une autre question aussi, rapidement. Khalifa vous demande combien d'heures de jeux vidéo par jour en moyenne dans l'équipe? Alors, à mon avis, ça a bien baissé. En 10 ans, ouais, ça a bien baissé. 20 minutes. Ah, c'est vrai que le Clippers, toi, à mon avis, tu dois être dans la moyenne basse. Non, j'en suis pas. Si on devait diviser sur la semaine, ouais, j'en suis pas loin de 20 minutes, hein, sans déconner. Et oui, parce que t'es papa depuis peu. Ah ouais. Ouais. J'ai essayé de jouer aujourd'hui, c'était compliqué, par exemple. Entre le boulot et une petite fille de 16 mois, c'est pas évident. Mais c'est plus, ouais, peut-être je me consacre quand même une soirée par semaine. Enfin, j'essaye au moins de jouer encore un petit peu, mais c'est... En plus, toi, tu es plus jeu rétro, hein, surtout. Bah, oui et non, c'est-à-dire que j'essaie de faire un petit peu les deux, mais du coup, comme si tu dois mélanger l'actu et le rétro sur une soirée par semaine, c'est, oui, ça devient compliqué. Mais là, par exemple, je joue à The Division, ça peut me prendre un an, tu vois, par exemple. Voilà, oui. Et le problème, c'est que j'ai le syndrome, j'achète tout. Alors, c'est-à-dire que je prends un peu tout. J'ai acheté aujourd'hui Day of the Tentacle, donc j'ai fait la première demi-heure, parce que je le connais par cœur, donc j'ai bien avancé. Tu l'as fini, alors? Bah écoute, c'est ça, j'ai bien avancé dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Tom Shoot aussi, c'est compliqué. Hein. Bah, moins qu'avant. Alors, au début, avec Call of Duty et tout, je jouais des soirées entières à n'en plus finir. Mais, et puis, j'ai une grosse phase creuse. Et puis là, depuis Rainbow Six, je joue dès que je peux. Et ça peut être 2-3 soirs de suite où je me fais un 20-23 heures de Rainbow Six. Donc, je suis content de pouvoir rejouer. Alors, il nous dit aussi que Khalifa, apparemment, son expérience iPhone s'est dégradée avec de la pub. Et d'ailleurs, ça, c'est pas mal qu'il nous parle de ça. Ouais. Donc, je pense qu'on y fera quelque chose, justement, hein, si apparemment quelque chose se passe mal. Et c'est vrai que donc Xboxygène a toujours essayé d'être réactif sur cette question de la pub qui est vraiment très sensible. Hein, autant pour toi, Tom Chou, que pour tous les autres et pour moi-même aussi en tant que développeur. Par rapport à ce qui se fait de nos jours. Donc, tu as envie de dire quelque chose à ce propos, à propos de la pub un peu en général, Top Show? C'est juste ce qui permet qu'on parte à Los Angeles et à faire vivre le site. Ceux qui ont Adblock, sachez que ça ne nous aide pas du tout à progresser. Mais sinon, concernant la pub en elle-même, Bilou est témoin dans tous les échanges de mails qu'on a avec la régie. On a déjà refusé plein de formats de pub différents, des trucs intrusifs. Je reçois tous les 2-3 semaines un mail qui dit « Ah, on peut faire un article où vous parlez de je sais pas quel truc, on vous donne 500 balles pour un article où on fait croire que c'est nous qui l'écrivons. » Enfin, des trucs à la con, quoi. Donc on fait quand même vachement gaffe à ce qu'on est à la pub. Alors oui, là je vois qu'il y a apparemment un problème sur l'appli iPhone, parce qu'on a aussi lancé une appli il y a longtemps, donc voilà, quand on dit que ça évolue, on évolue quand même. Personnellement, j'ai pas d'iPhone, donc je peux pas voir. Alors parfois il y a des trucs qui passent entre les mailles du filet, mais n'hésitez pas à nous le remonter sur le forum, sur le site. Nous, on est en contact avec les développeurs et la régie. Et on essaye de vraiment faire gaffe à ça, à ce que la pub ne gêne pas en tout cas la lecture du site. Alors là, il y a des trucs qui mettent un peu 5 secondes avant de se fermer, ça fait chier un peu. On essaye vraiment de faire gaffe. Hein, de... Oui, parce qu'au final, ça nous fait chier aussi, quoi. Voilà. Bah ouais, c'est ça, on est les premières victimes aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc quand il y a un truc relou, on est les premiers à le remonter entre nous et à dire ils abusent ou alors on a un pop-up ou machin qui s'affiche à chaque fois, et à râler entre nous. Mais ouais. On n'a pas le choix, malheureusement. Donc on embrasse la régie pub si elle nous écoute, hein, parce qu'elle ne doit pas nous aimer tellement on vient gueuler tout le temps. Après, s'il y a des gens qui veulent faire des dons pour qu'on se passe de la pub, on prend. Hein. Ouais, c'est possible. Bon. Hein. Il faudrait faire des gros dons. Mais après, on dirait que ça serait peut-être un peu présomptueux. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu étrange. Après, pourquoi pas. Enfin, c'est le modèle. Il y a plein de sites. Hein. Il y a Gamekult qui a vachement accentué sa formule premium et tout ça, mais il faut avoir quelque chose à proposer, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais on reste des amateurs quand même, et voilà, on n'a pas toute notre journée à écrire des articles de malade non plus. Donc en fait, gros, tout ça pour dire que vous inquiétez pas, on y fait gaffe, on est des internautes comme vous, hein, donc on fait attention, quand il y a des trucs chiants, et ben on n'hésite pas à les virer, même si ça fait moins d'argent, on préfère quand même que bah, vous passiez un moment sur le site plutôt que ramasser un paquet de pognon pour des conneries derrière. C'est pas grave, on mange des pâtes. Hein. Bah oui, voilà. Oui, mais à Los Angeles. Ron n'ira pas à l'E3, il n'y aura pas sa dose de coke cette année. Quoi. Oh merde. Il n'y aura pas de pizza géante à 15 balles. Non, mais c'est intéressant de souligner qu'on choisit, enfin, on choisit peut-être le format des pubs, mais après, les pubs qui sont sur le site, bon, on choisit pas quel est le produit qui passe dessus, non ? Ah ouais, alors ça, on n'en sait rien du tout, ouais, c'est clair. Bah là, c'est Daredevil, donc même si c'est chiant, c'est rigolo, c'est sympa, mais... Ah, il y a le Punisher. Et on va faire une autre petite question aussi. Est-ce que vous avez déjà brisé un embargo, même sans le faire exprès ? Bah, je crois pas. En tout cas, peut-être qu'on a brisé. Si, on a brisé. Moi aussi, sans embargo. Si, plein de fois. Sur lesquels on n'a pas signé de NDA, en tout cas. Voilà. Enfin, on n'était pas au courant qu'il y avait un embargo. Et... Ouais, voilà, sans le faire exprès. Après, on nous appelle. Ouais. Ah, maintenant, c'est sous embargo. Il faut enlever la vidéo ou les images. Ou la date de sortie de je sais plus quel truc, là. On s'est fait allumer par Activision. Je sais plus Call of Duty God. Ah oui, parce qu'il y avait la fiche de jeu sur Amazon. On a fait la news. On n'a pas voulu la retirer. Et j'étais pas content, ouais. C'est un peu crié au téléphone. Mais... Je crois qu'on avait diffusé aussi une petite vidéo d'un bout de Tomb Raider qu'on avait prise par accident. C'était en plus pendant l'E3, non ? On n'avait pas montré un truc comme ça ? Ouais, c'était même pas volontaire, ça non plus, je crois. Vous n'êtes pas des salauds, au final. On peut vous faire confiance. Ah oui, bah, quand on s'engage à pas communiquer un truc, on s'engage. Après, c'est vrai que quelquefois, on a quand même des réactions de la part des attachés de presse qui sont totalement, qui nous prennent de haut, qui sont irrévérencieuses, assez brut même. Des coups de fil, ouais, qui étaient un peu chauds, quoi. Mais après, je me dis que eux derrière, ils doivent avoir une pression de taré aussi, parce que ça, c'est des millions. Enfin, c'est une campagne marketing de millions qu'il y a derrière, quoi. Ouais, enfin, après, quand, de les défendre, après de quand t'as des gens, mais ouais. Peu, quand t'as des gens qui te méprisent ou qui t'envoient pas les jeux avant alors qu'ils sont partout, ou qui viennent pas t'emmerder parce qu'ils ont oublié de te faire signer une date d'embargo, quoi. Tant pis. Pour eux, surtout pour Ghost, c'est leur chiant, je dis de merde. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est toujours sympa de recevoir un jeu de rôle pile poil le jour de sa sortie, et puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que le rythme de fournissement des jeux, c'est devenu un peu un peu dingue, à se dire qu'il y a encore peut-être au départ, justement, il y a 10 ans, les jeux que vous receviez, c'était peut-être pas encore comme maintenant, le jour de la sortie même, avec l'interdiction d'en parler avant, etc. Mais c'est parce que maintenant, il y a les youtubeurs, tu comprends, qui sont trop hype, qui streament 15 jours avant, et nous, on ne sert plus à rien, quoi. Bah oui, parce que vous risquez de faire changer les gens d'avis, évidemment. C'est ça. Et justement, est-ce que vous trouvez, justement, depuis ces 10 ans, est-ce que les youtubeurs un peu ont changé un peu, justement, la manière dont vous travaillez ? Est-ce que vous avez vu des choses changer, ou alors juste, il faut s'adapter, et puis c'est juste une autre manière de faire ? Ah oui, il nous faut rien du tout, je pense. Enfin, nous, ouais. Ça change rien à ce qu'on fait au quotidien. Ouais. Mais par contre, le rationnel avec les éditeurs, eux, ils privilégient les youtubeurs, en tout cas. Ça, c'est... Ils touchent un public plus large, hein. Beaucoup les jeunes, les enfants, etc. Ceux qui se rendent pas compte que c'est de la pub. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, il faut croire que ça nous touche pas tant que ça, puisqu'on est en progression constante depuis 10 ans. Quoi. C'est pas le même public, déjà, il faut savoir lire. Hein. Ah, justement, vous avez commencé à le toucher un peu, puisque vous avez commencé un peu à partir sur les vidéos, justement, avec Dragou et Raya, à diffuser sur Twitch, à partir un peu plus sur ce média médium plus tourné vers la vidéo, quoi. Ouais, tu veux dire qu'ils sont comme des youtubeurs? Oh, en gros, vous les avez pris parce qu'ils sont des petits jeunes qui vont parler aux petits jeunes, quoi. Ah non, on les a pas pris pour ça. Hein. Non, non, putain, je sais, c'était une blague. C'était une tu blague. Vas nous mettre dans la merde, là. Merde, Drago a quitté la conversation. Non, mais tu me mettras pas, tu me mettras pas avec un public d'ados de 12-13 ans sur le stream. Hein. Non, on va pas déconner non plus. Hein. Ouais, et puis, je crois que ce qu'on le mec, il est depuis même pas un an, il impose ses conditions. Hein, bah, c'est ce que fait Dragoo, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit la même chose que la hurleuse de Squeezie. Là, hein. Bah déjà, ah non, bien sûr. Déjà, je ne fais pas le pitre devant une webcam. Mmh. Ouais. Non, disons c'est que c'est juste c'est vrai qu'on a les outils aussi hein, qui arrivent, comme avec la Xbox One, le fait de pouvoir streamer plus facilement, enfin du moins quand ça fonctionne, quand on arrive à le faire. Mais disons que c'est vrai que les outils deviennent plus faciles à utiliser, donc ça devient plus simple de se tourner vers ce nouveau médium et cette nouvelle manière un peu de montrer les jeux aux gens, quoi. Donc c'est un outil de découverte, c'est un soutien, ça doit être un soutien limite à la critique, c'est-à-dire que la personne qui a fait la critique, s'il te propose en plus de faire un stream pour faire le début du jeu, pour essayer de découvrir un jeu pendant une heure, etc., où tu peux lui poser des questions, c'est toujours rassurant, entre guillemets, quoi, tu veux mettre 70 balles dans un jeu, quoi. Après, faire de la pub cachée, c'est encore différent, par exemple. Là, on est pas dans le même public, on n'est pas dans la même fonction de la vidéo divertissement marketing. Ça n'a rien à voir quand tu découvres un jeu avec un joueur qui connaît vraiment le jeu pendant une heure, deux heures, en soirée, tranquillement, tu parles avec lui. Squeezie, tu peux essayer de parler avec lui, il va te faire payer 200 balles pour un autographe, soit par exemple. Donc, c'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que les vidéos YouTubeurs, et là où on voit que maintenant, ils vont doubler des doubleurs officiels au cinéma sur des jeux. Enfin, c'est un vrai scandale, quoi. Mais bon, ils sont en train de prendre le pas sur plusieurs jeux, mais c'est du marketing pur. Les mecs, ils ont un plan de carrière, c'est pas du tout pour le plaisir, entre guillemets. Et puis sûrement que comme tout, ça arrivera peut-être à l'explosion, à une fin, à un cycle, ouais, etc. C'est pas sûr. Ça va être non, mais, là. Mais dans le même temps, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fout un peu parce que ça nous empêche pas de progresser. Quoi. Mm-hmm. C'est des débats qu'on avait quand même eu pas mal en interne aussi. La question s'est posée sur les tests de jeux qu'on fait. On regarde les statistiques. On est obligé parce que sinon tu te dis avec le temps que ça prend, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le faire ? À un moment donné, il faut se poser la question. Mais finalement si. On a des lecteurs. Il y a des gens que ça intéresse d'avoir ce point de vue également. Et donc, c'est vrai que c'est important à signaler que régulièrement, depuis 10 ans, tout le temps, les stats de visite augmentent. En général, c'est une augmentation constante et il n'y a jamais eu de baisse pratiquement forte en 10 ans. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Ça sent le pipeau. Tout même ça. Quand il ne se passe rien, c'est ça qui est génial. Des périodes de creux dans l'année, il y a des mois plus mous que d'autres, mais en général sur les chiffres totaux d'année, c'est vrai que l'oxygène a toujours été en progression constante, quoi, ce qui est quand même pas mal pour un site de bénévoles dirigé par un type qui ne se souvient pas. C'est parce qu'on est bon. Ce que disait JC, c'est le talent, c'est parce qu'on est doué. Mais où s'arrêteront-ils? Non, mais juste pour rebondir sur les détests, Erwan, tu disais que justement, on continue à nous lire, ce qui me fait plaisir, évidemment. Mais ce qui est aussi sympa à souligner, c'est que malgré l'abandon des notes qu'on a fait il y a maintenant deux ans de cela, il me semble, malgré l'abandon des notes, les tests continuent à se lire et puis on a encore un public fidèle. Donc ça c'est intéressant. Peut-être parce qu'on a un public qui est intelligent en ultra majorité. Non mais la note ça a toujours été un faux débat, c'est juste qu'ils n'assument pas et que personne n'a pris le courage entre guillemets sur les gros sites de le faire parce qu'ils pensent que les gens sont trop stupides pour pouvoir lire un test jusqu'au bout et se limiter à la note et au résumé. C'est complètement faux et c'est la preuve. Dire, si un site indépendant arrive à avoir des lecteurs qui lisent tous les tests, c'est que n'importe qui peut le faire, entre guillemets. C'est un faux débat. Après la note, c'est il y en a plein qui ne l'abandonnent pas aussi parce que c'est un moyen de faire parler de toi sur mais c'est marketing. Oui, bien sûr. Oui, bah c'est... Enfin, la note, c'est... Mais c'est que eux, ils se cachent derrière le coût des lecteurs, etc. Mais c'est uniquement pour du référencement, c'est clair. Oui, sur tous les gros jeux, tu mets une note de 6 sur 10 et puis tout de suite, tu fais le buzz. Ouais. T'as dit game. De quoi tu parles, voyons. Ah, des fois, ils mettent des bonnes notes. Ils ont mis 9 à The Witcher 3. Quoi. Ouais, The Witcher 3. On est obligé un peu. Hein, on prend un pari sur le 8 pour Quantum Break. Ah, moi, je dirais plus. Ouais. Ah non, ah oui, excuse-moi, c'est pas japonais. 7. Alors, je pencherais plus pour le 6. Ah, les mauvaises langues. Ah, tu verras. Avec Selec ou pas? Non. Allez, on repart sur la question de notre visiteur, et c'est Plesque d'ailleurs qu'on salue aussi, qui nous suit aussi depuis longtemps. Ah oui, coucou. Et qui d'ailleurs justement nous pose ensuite une question sur sa spécialité. Il nous demande quelle substance prenez-vous d'où qui est non autorisée pour rouler aussi vite sur Forza. Ah, ça me concerne pas. Ah, ça me concerne pas. Moi non plus. C'est Zazie peut-être ou David, je sais pas, le JC. Ouais. Ouais, David, JC, ouais, ça trace. JC roule bien, mine de rien. Ouais, ouais, bah quand. Ouais, j'ai plus le temps de jouer, donc. C'est le ballon. Mais sinon, tu prends de la cristalline et tu fonces, ça va tout droit. Il suffit d'être doué, Mother Trucker. T'as une petite poche de sang de Jean Alési qui traîne chez toi, non? Ouais, voilà. Ah non, celle de Jean Alési, c'est moi qui l'ai dans le bac à sable. C'est le bac à sable. Ou Jardiland. Il y a Sauron MX338. Attends, les mecs, sérieusement, avec le pseudo, il va falloir c'est une plaque d'immatriculation, quoi. Ouais. il nous demande qui est le plus casse-couille quand vous partez à l'E3. Bah, déjà, faudrait qu'on les parte tous derrière, déjà. C'est Tom parce qu'il pète sans cesse. C'est l'hôpital. Alors, ça, c'est un et après, sans discontinuer depuis le premier pied sur le sol américain jusqu'au premier pied dans l'avion pour le ramener en France, il ne s'arrête jamais. Il se prend pour un Simpson. Moi, je peux en parler parce que je suis allé qu'une fois, donc je suis assez neutre. Et oui, il pète tout le temps, quoi. C'est l'hôpital qui suit la charité, bordel! C'est la pizza! Ah, en fait, c'est. On va dire ça. Putain. Harold, il monte un truc alors que c'est lui qui fait les trois quarts, quoi. Bon, non, je suis pas. Ron a confirmé? Non, je suis pas au courant, je disais ça comme ça en passant, j'ai l'impression. Non, mais... C'est juste. C'est confirme que je veux être à égalité avec Harold. En tout cas, les dernières, sans Sanju, c'était quand même plus calme. Hein, je veux pas dire. Ah, voilà! Il y avait moins de nuisances sonores et. Et nos infectifs. Voilà. Un autre auditeur vous remercie pour entretenir ce site de passionnés avec toujours autant de professionnalisme. Alors on le remercie. Oui. Et une mention toute particulière, merci. Encore pour le même, pour l'édito de Rhône et X-Story. Il était une fois. Ouais, voilà. Apparemment, tout le monde a envie de se taper Rhône. Hein. C'est formidable. Je pense qu'ils n'ont pas encore vu en photo. Moi, je suis content et je remercie ce lecteur. C'est Eric. Merci beaucoup, parce que les éditos, ça me demande vachement de boulot, donc je suis assez content quand ils sont lus. Il y a au moins un mec qui les lit. Et il y en a pas mal, en fait. Ça marche plutôt bien, mais ça me fait toujours très plaisir, et ça me fait surtout très plaisir quand les gens discutent entre eux après l'édito. C'est aussi le but de cette démarche. J'en écris pas assez, parce que malheureusement, ça prend du temps. Mais je suis aussi très content de la réception de la rubrique X-Story et du retour de Il était une fois, que j'avais un peu abandonné faute de temps. Maintenant, je suis très régulier. Là, c'est toutes les semaines que ça tombe. J'en ai d'avance, donc je peux garder le rythme. Et j'ai un niveau de lecture qui est constant sur ces rubriques. Ça me fait très plaisir de voir que les gens accrochent. Et voilà, ça fait la petite lecture du week-end. Donc, merci bien. Ça me fait super plaisir. Ah, il nous dit qu'il adore ta façon de raconter ta passion. Et ben voilà, quelqu'un qui a tout compris. Mais tu te rends compte en plus que ça va exploser quand il y aura la rétrocompatibilité de la Xbox 1 c'est qui clair. Va arriver. Putain, génial, il n'y aura plus qu'à mettre les liens, t'as déjà tous les tests. Voilà, c'est super. En tout cas, il nous rajoute quand même un pas de jaloux, vous êtes tous géniaux de toute façon. Donc voilà, tout le monde en a pour son grade. C'est sûr, il a un chouchou et puis les autres, ils ramassent les miettes. Ah ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais c'est vrai que Rhône a un peu, disons, le beau rôle. Hein, mais il tire la couverture pour lui. Oui, voilà, oui, parce que le mec, il change les noms des articles, il les met pour lui alors qu'il écrit pas les tiers de ce qu'il fait. Il a des nègres. La moitié des trucs, c'est nous qui les écrivons. Et en scred, il vient mettre son nom derrière. Alors, quand on regarde, tiens, regarde, pour bien montrer que je t'en veux pas, j'ai oublié de le dire, alors que je m'étais juré que je le ferais, je le fais maintenant malgré tes vannes dégueulasses. Eh bien, merci beaucoup à Sanju, qui, en repassant derrière nous, et donc derrière moi également, nous rend un sacré service. Quand on lit un texte qui est bien écrit, alors je pense à mes éditos où je m'applique vraiment sur le niveau de la langue, mais même en s'appliquant sur le niveau de la langue, je laisse passer des coquilles, il y a des formules qui ne sont pas exceptionnelles. C'est Sanju qui repasse là-dessus et qui fait le petit coup de polish qui fait que le texte est bon, ou j'espère qu'il est bon, en tout cas à la fin. Donc voilà, Merci Sanju, malgré c'est ta vrai. Déclaration de salopard il y a juste quelques secondes. Comme quoi il n'est pas rancunier, hein. c'est un brave type au final. Un autre visiteur vous demande, c'est une question qui est assez intéressante. C'est dit parce qu'on... visiteur, mais vraiment, on se croit. Les visiteurs du mercredi. Commentaire. Vas-y, il visite, c'est bien. Et j'espère qu'il clique beaucoup un peu partout hein, pour un taux de rebond pour que t'as Jarel qui sort comme ça de sa grotte juste pour tailler. C'est pas grave, je me vengerai aussi au montage. Qui parle et juste Jarel qui fait un visiteur, vraiment. Non, mais là, en deux mots, il t'a mis plus bactère. Non, c'est pas grave, c'est moi qui le mot final avec le montage, donc c'est vrai, ça s'arrangera. Ah oui, mais... les petites voix de clown et tout, les voix sous hélium, tout ça, ça sera possible. Et donc, ce visiteur, donc, nous rappelle que, comme vous n'êtes pas des journalistes professionnels, donc, il vous demande un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie un peu pour arriver un peu à dégager suffisamment de temps pour traiter l'info. Alors qu'est-ce que vous faites après bon, il vous traite de feignant quoi en gros. Non bah vraiment je pense qu'il est un peu curieux de savoir justement un peu peut-être quel est votre profil. Alors si vous avez envie de raconter un peu en gros un peu ce que vous faites et comment vous arrivez à dégager du temps. On a compris mec, tu cherches le bon plan, tu te dis les mecs ils ont le temps, ils ont le temps de faire un site, d'aller à LA tranquille, de tester des jeux, wesh ma gueule. Est-ce qu'ils vendent de la drogue à côté? T'es en train de passer ton bac et t'aimerais un bon plan quoi, on va se le garder pour nous. Je pense que donc c'est Johnny Boy, je pense qu'il va être forcément déçu là, il a pas trouvé son futur Johnny dream Boy, job. Non tu vas rester chez tes parents puis c'est tout. Bah je pense que c'est encore le cas de Rhône en fait hein, non ah, que je vais chez j'habite chez mes parents. Oui. Ah ouais c'est pas con comme idée hein, le truc. Justement je l'ai vu là à la télé sur la manif étudiante là tout à l'heure. Ouais. Non, c'est celui qui se faisait tabasser, je crois. Ouais. Quand on part à l'E3, on pose des jours de congé, quoi. Voilà, je vous le dis, hein, s'il y en a qui planent un petit peu, là, ça coûte des jours de congé. Et sinon, il nous demande aussi, hein, y a-t-il des membres du staff rémunérés? Donc, bah, en fait, à part moi. À part moi qui suis le développeur, mais qui ne suis pas vraiment la rédaction qui écrit. Je développe le site, donc, qui est mon activité principale, donc je suis le seul... Je suis seul à être payé pour avoir développé les différentes versions du site, mais sinon, non, personne ne touche rien à part la gloire et les jeux offerts pour les testeurs. Enfin, il faut dire, je tiens à ajouter que travaillant dans le web, ce qu'est payé Bilou, ça vaut pas ce que ça vaut dans la vraie vie. Hein. Ah ouais, c'est clair. Tiens à signaler quand même, parce que t'as l'air d'être payé comme... Il est carrément trop payé. T'as l'air de dire qu'il a un salaire, mais pas du tout. Mais arrête, il va demander du blé maintenant. Ah merde, putain, j'avais pas vérifié les prix avant. Non, évidemment, c'est vrai que bon, avec la montée en moyen du site, on va dire que j'ai été payé de plus en plus honnêtement, on va dire, parce que c'est vrai qu'au départ, je me faisais salement exploiter. Mais. Et c'était même gracieux hein, au début, hein, j'avais un peu pitché sûrement du truc. Les tickets resto. Ouais. C'est des sectes aimés ça, hein, gros cochon. Ah oui, c'est sûr que me prendre la tête avec Tom Chou pour savoir quelle couleur faire, c'est vrai que c'était hyper passionnant. Remplir 10 pages de forum par jour de prise de tête, c'était extraordinaire. Tu m'aimes bien. Évidemment, je ne dirai assez, j'adore Tom Chou autant que je le déteste parfois. Vous imaginez à quel point. Alors, il nous demande aussi, hein, que pensez-vous de la communauté? Alors, j'y sais, toi qui va bientôt devoir nous quitter, parce que bah, toi, au contraire des autres, t'as un boulot. Oh. et malgré ça, il arrive quand même à nuser comme un porc. Hein. Franchement, prenez exemple sur lui, là. Putain, c'est pas possible, ça. Ouais, c'est vrai que je sais pas comment je fais. Adieu vivant. Alors, que penses-tu un peu de la communauté de Xboxygène, un peu? Eh bien, bah, elle est un peu marrée par moment. Tous les échanges qui se font entre eux, en fait, ça part dans tous les sens. Sur une conversation ou sur une news, en fait, banale, on voit par moment des pages de commentaires sur un rien, en fait. C'est ça qui est marrant. Sinon, après, sur le forum, après, bah, on s'est fait quelques amis comme ça aussi. D'autres sont venus membres du site aussi comme ça. Donc, c'est assez sympa de faire plein de connaissances grâce à un site de jeu, tout simplement. Il nous demande aussi qui est la plus grande gueule de l'équipe. Je pense que c'est JC, non? Ouais, il y a moyen. Ah bon, en fait, il est calme. Est-ce qu'il veut dire... sortir un truc. Bah, Est-ce que par là, il veut dire le plus désagréable? Oh, le salaud, il va partir et tout, il va croire qu'on va, aller, on va le tailler dans son dos après. Non, non, moi, c'était un contre-exemple, parce que c'est vrai que JC est assez discret, mais comme je disais dans sa présentation, il sait poser les couilles sur la table, JC. Et donc, je pense pas forcément que ça soit la plus grande gueule, parce que je pense que dans la plus grande gueule, elle est personnellement, moi, je dirais qu'il y a une légère égalité entre Sanju et Rhône. N'importe quoi. Ben alors, je comprends vraiment pas d'où vient cette réputation complètement infondée. Ouais, j'ai pas, quasiment pas parlé. C'est et puis moi, je comprends pas comment je peux être à égalité avec Sanju. Quoi. Alors, par contre, oui, et pour la question suivante, il nous demande qui a la plus grande baie. Donc je ne sais pas de quoi il parle exactement. La plus grande barbe, j'en ai aucune idée. Ouais, je pense. La plus grande bagnole, moi j'ai le Toyota Verso. Moi j'ai le recto. Oh, là, je crois qu'on peut finir sur cette. Formidable. Il nous demande elle, aussi. Elle roule comme arche arrière, c'est bien. Ça, c'est con. C'est on pourrait changer de temps en temps parce que j'arrive pas à sortir du garage. Moi, je peux faire que des marches avant. Donc, c'est donc pour ça que tu as autant de temps pour écrire pour lui. Ouais, c'est pour ça. Il nous demande aussi à quand une touche féminine dans l'équipe. Bah, je dirais que bon, bah. Il y en a une. Allez, je m'y attendais, celle-là. C'est Sanju, là, toujours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est Sanju. Ah, d'accord, je pensais que Bilou allait encore me tacler ou je sais pas quoi. Ah non, on sait que tu préfères les hommes, de toute façon. Vous dites top simplement parce que je suis raffiné et que j'ai le goût du design. On dit surtout ça parce que tu portes des robes, quoi. Il faut que le monde sache. Et c'est vrai, oui, il y en a eu une. Ouais, il y en a eu une. Il y a eu Epsilon qui avait fait quelques tests, mais... Ça sera pas le même sinon. Bah oui, bah, je m'en rappelle du nom, elle était testeur aussi, donc ou testeuse, clair. Je sais pas, maintenant avec le féminin des noms, testeuse. Testrice. Testatrice. Mais comme beaucoup, enfin les testeurs en fait, le tout c'est pas d'embaucher, enfin de récupérer de nouveaux testeurs, c'est essayer de les garder parce qu'il y en a qui se rendent compte que finalement ça prend pas mal de temps et que c'est effectivement c'est quand même difficile lorsqu'on trouve quelqu'un qui est bien, qui écrit bien, de pouvoir le garder dans la durée. Et, Epsilon, ouais, donc Dragan, rendez-vous dans 10 ans. Hein, tu restes... voilà. C'est vrai que pour tous, hein, que ça soit les users ou testeurs, je pense que c'est quand t'arrives, t'es content, et puis tu te rends compte un peu du temps que ça prend. Et c'est vrai que je pense beaucoup postulent, beaucoup veulent le faire, et ne se rendent pas compte de la quantité astronomique de temps que ça nécessite, et que des fois, il faut un peu faire une croix un peu sur ce qu'on voulait faire un peu à côté des fois, pour faire justement quelque chose. Il y en a qui ont divorcé, ouais. Hein. C'est vrai. Et il y en a qui n'ont jamais trouvé quelqu'un. Bah ouais. C'est quand même pas facile. Hein. Faut savoir qu'il y en a certains dans la rédaction qui n'ont plus de vie sexuelle. Hein. Est-ce qu'ils en ont déjà eu une tout court? Moi ça va, j'ai arrêté de faire des tests. Moi. Ouais. Sans penser que t'as aimé. D'accord. Il y en a qui sont obligés de mater sous la douche pour s'en donner une après. Quand... Ouais. Oh. Ah, vous voyez, il n'arrive pas à s'en dépatouiller de cette histoire. Bah c'est 10 ans, ça me rappelle tous ces souvenirs. Ah, apparemment, il y en a qui sont jaloux. Et sa dernière petite question, et après on dira au revoir à JC, qui se cache sous le nom de la rédaction? Ah oui, quel est ce compte mystérieux de la rédaction? Ah ouais, ah là là. Ah bah on peut pas le dire, ça c'est... Ouais, je crois qu'on c'est peut un secret. C'est un secret, ouais. Voilà. Ah, je pense qu'elle est blonde à forte poitrine. Il parlait de la touche féminine du site, bah c'est elle. C'est la rédaction. C'est la rédaction. C'est elle. Et la rédaction, elle est très très douée. Hein. Oh oui, c'est clair. Oh là oui. Oh, oui. Bah, je pense d'ailleurs que JC va aller la retrouver. Exactement. À maintenant, peu vêtu. J'ai dire une grosse connerie, mais non. On va dire des conneries à ce moment-là. J'allais dire que j'en m'écartais, mais bon, faut pas le dire. Oh, il se dévergonde, là, ça y est, on a le vrai JC. Il est 23h30. Hein. Ouais. Ah, mais JC, on dirait pas comme ça, mais c'est le mec qui peut te sortir une vanne de malade. De l'espace. C'est clair. Il y a personne qui s'y attend. Ah, mais c'est souvent cela, hein, c'est ceux qu'on se méfie le plus. Comme je disais tout à l'heure, je suis doué, et c'est pour ça. C'est un peu notre Jean Blaguin à nous. Bon, en tout cas, JC, merci d'être venu. On est très content que tu sois là, hein, justement pour cette touche d'humour, de bonheur. Mais oui, c'est cool. Ce don que tu as. Merci de ton talent. Merci de ton talent. Ah, c'est beau. C'est mon talent, vous remercie aussi de cette gratitude. Donc voilà, sur ces bons mots, JC, on se retrouve bientôt. Et puis, le 3 pour moi, ça sera au soleil, avec les meufs et tout, ça va être cool. Okay. Je pense qu'il va déchanter un peu. Et les pizzas géantes. Et les pizzas géantes, évidemment. Non, on va recruter facilement avec ce genre de choses. Ah oui, c'est clair. Voilà. Ah bah là, mais peut-être pas des touches féminines. Avec la rédaction des pizzas géantes, ouais, y a moyen. Mais là, ça va être des gens un peu bedonnants qui habitent dans leur cave de leur mère. Je m'en ai. Oh, ça taille, oui, c'est bon. Mais, on est entre deux. On est sur ces bonnes paroles. Je vais y aller. Ouais, salut JC. Ça marche. Salut, salut, bisous les filles. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Bon, maintenant qu'il est parti, on peut voir. Ouais, il est un peu con quand même. C'est bon. Hein. Putain, comment qu'il se la pète déjà. Qu'est-ce qu'il est prétentieux celui-là, je rêve ou quoi. Il n'arrête pas, hein. Ça y est, vas-y. Ouais, la rédaction, elle m'attend tranquille. Ça. Alors, que dalle. Ouais, on voit qu'il couche avec Tom Chou quand même. La rédaction est une femme à barbe. Je vais me coucher aussi dans 5 minutes. Machin, dans 5 minutes, on va perdre Tom Chou. Oh, quel dommage. Non, mais je déconne, allez-y. Ça va, il reste en fait, c'est ça, en fait, c'est que ils sont pas partis en même temps pour pas qu'on ait doute, hein, mais en fait, ouais. Bon, voilà. Ouais, alors, on nous demande aussi quel est l'âge moyen de l'équipe. Oh. Alors, ça dépend si je suis là ou pas. Ça dépend. Sans René Jarel, on doit être à 30, 34, un truc comme ça, mais avec René Jarel, 40. Non, mais ça va pas. Oh putain. Oh les salauds. Les enfoirés, quoi. Non, c'est vrai que la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Hein. Je fais 47 années. Donc voilà, ça c'est dit. Ah ouais, ouais. Alors, 35, alors peut-être un truc comme ça. Erwan, toi t'es. J'ai 44 ans. Hein. 44 ans, donc voilà. Non, 43, putain. Attends, je compte. Et il y en a trop, là. Oh merde. On peut couper celle-là. Non, on coupe rien du tout. On met tout. Donc après celui le plus âgé, là, derrière nous, c'est qui? C'est David. C'est peut-être. David, il a 35. Aussi, ah, c'est ça le plus âgé, c'est 35. Ah la vache. Ah, c'est... Non mais c'est des gosses. Hein. Ah ouais, punaise. Et le plus jeune alors, c'est qui? Oh, ça doit être moi ça. Vous êtes Regard. Regard, ouais. Vraiment ouais, Regard. J'ai 24 ans, ouais. 24, ah ouais, punaise, j'aurais pu être ton père. Et d'ailleurs... Papa. Sujet. C'est vrai que tu respires un peu fort depuis le début de la soirée, Jarrell. Ouais, voilà. Et il nous demande aussi si vous mangez des chips et buvez quoi comme bière. Ah, les chips, c'est obligatoire. Les chips, c'est bien entendu. Les chips, c'est évident, non, c'est quoi. Des chips, c'est ah, coca. Là, ça devient intéressant. Ah non, bah, il y a des deux. Un peu de coca, un peu de bière. Pendant longtemps, j'ai bu de la Foster, mais on a du mal à en trouver maintenant. De la quoi? La Foster, c'est une bière australienne. Oui. Et je trouve qu'elle est super bonne, quoi. Surtout en pression. Enfin voilà, sinon, je bois jamais de bière. Moi, je bois du coca, bien sûr, comme tout le monde. L'alcool, c'est mal. De toute façon, niveau bière, il n'y a que les bières belges qui existent. Oh, n'importe quoi. Quel pipeau, ça. Le mec qui nous parle de bière partir une bière bretonne. Non, mais la bière, c'est une boisson qui est absolument magique, parce qu'il y a des bières qui sont délicieuses partout dans le monde. Quoi. Moi, j'aime bien la Duvel. Spécialement, j'aime bien la Duvel. Non, la Belgique, c'est Duvel. J'aime bien l'Orval. L'Orval est très bonne. Bière belge. Moi, j'aime bien la 1664. Mais c'est clair, putain, c'est trop ça. Quoi. Commençons pas à partir aussi sur les sauces pour les frites, parce que là, Tom Chou, on va le perdre. C'est clair. La Jopi, ami belge qui nous écoute, bonjour. Bon, et ouais. Sinon, donc, Bastoun aussi nous demande à quand les vidéos en team play de rédaction. C'est plus peut-être un problème technique ou de planning un peu. C'est surtout au niveau planning. Hein. Ouais, c'est une histoire de planning. Hein. Et c'est un jeu en commun aussi. Quoi. Oui, voilà, c'est surtout ça aussi le problème. Hein. À part Worms. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce podcast des 10 ans est enregistré depuis un an en fait. nous sommes le 15 janvier 2015. Ah là là, quelle bizarre. Non, c'est vrai que c'était assez compliqué. Hein, les réunions, tout ça, des fois, c'est vrai que. Oui, c'est particulièrement. Alors déjà, en plus, pour jouer ensemble, Ce qu'on peut proposer, par contre, c'est enfin, pareil, c'est suivant les horaires. S'il y a des membres du site qui veulent jouer avec nous, mais bon, va falloir faire une rubrique spéciale, presque. Ouais, une rubrique spéciale et puis une rubrique. Ouais, c'est une rubrique gravier pour ceux qui veulent faire. Quoique, je crois qu'il y a Carcassonne qui débarque là en rétrocompatible. Bah, on peut faire un Carcassonne. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu que vous connaissez tous? Attends, Carcassonne, on y a joué pendant des heures. Mais quand j'ai vu ça en news, c'est quoi ce truc? Tout le monde connaît, mais pas c'est moi. C'est énorme. Faut que tu saches un truc, Dragou, c'est qu'on s'est payé des Xbox 360 qui coûtait quand même un peu de rond à l'époque. Pour jouer à un jeu de plateau. Voilà, c'est ça. On t'a acheté une machine. Ouais, regarde, aïe, maintenant, c'est la HD, t'as le machin. Tu joues à quoi, là? Bah, Carcassonne, connard. Je joue au petit jeu de loi, mon gars. Mais oui. Non, mais Microsoft, ils ont accès à leur communication sur ce jeu, hein, pour vendre des 360. Hein. Attends, Carcassonne, c'est des boîtes. C'était Carcassonne et pas jouer avec, faut pas jouer avec Tom Chou parce qu'il met une heure à poser une putain de plaque. Il la tourne dans tous les sens, c'est super agaçant, il fait cac-cac-cac comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est relou. Et puis la musique, la soundtrack du jeu est fantastique. C'est vrai que vous étiez chiant avec ce jeu. Alors, on a tous des captures d'écran où chacun a battu l'autre normalement. Ouais, c'est clair. Je dois dire que moi je n'ai jamais joué à ce jeu, je ne sais même pas comment. Si vous mettez joue. Dans les commentaires, si vous boostez, hein, on fera une session live avec Carcassonne. Ouais, ça fera chier tout le monde, mais au moins c'est amusant. C'est clair, ils s'endormiront pour la vidéo. Alors, en tout cas, Bastoun conclut en disant que ce site est certainement un des plus sains du web francophone. Je suis pas sûr. Le site est sain, mais en tout cas, ses membres ne sont pas. Je pense qu'il voulait dire sain dans le sens où on dit ce qu'on veut, je pense. Du moment qu'on a les gants, quoi, parce qu'après, qu'on les enlève. Après, j'ai l'impression que je pense que Ron intervient et ça part en couille. Dans les commentaires de la news, parce que ensuite on nous demande si quelqu'un est célibataire parce que Liane Folly cherche encore l'amour. D'accord. Et si quelqu'un serait intéressé. Alors je pense que Liane Folly c'est plutôt rayon Jarel Rhône hein, quand même. Hein. Non, mais ouais. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est qui Liane Folly d'abord? C'est cette chanteuse québécoise là. Pas du tout. Elle est québécoise. Elle est belge. Elle est française. Elle est française. Okay, elle est cheveux blancs. Elle est française de France. Hein, ouais. On est fort en Xbox, mais en Liane Folly, on est des vrais burnes, hein, putain. Alors, en tout cas, pour rester un peu dans le même domaine, il y a André Manoukian. C'est celle qui faisait Ça va, ça vient. Révélation. Je veux dire, c'est pas ta femme, c'est qui chante. Si, ça arrive aussi. Ouais. Mais c'est même pas de notre génération là. Je viens de regarder sur Wikipédia, elle a 53 ans. Elle a 53 ans. Quasiment. Attends, elle vient de Lyon, Ron. Mais moi, je connais tout le monde de Lyon, moi. Tu connais bien Folie, alors. Je connais 500 000 meufs, moi. Bref, pour passer ensuite à André Manoukian qui nous demande si vous êtes très pour l'éclectisme. Alors je pense que monsieur avait fumé. Non, si, c'est-à-dire moi j'en ai fait quand j'étais jeune, mais c'est pas fatigant. C'est clair. Moi je suis plus pour, voilà. Je suis plus pour l'éclat de 12. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est... Sinon, il fallait prendre ça, non. Non, JC reviens, on a besoin de ton amour. Reviens, JC, c'est reviens. Ensuite, Johnny Boy demande si Ron serait capable de se raser son bouc légendaire pour les 10 ans. Oh putain, alors certainement pas. La dernière fois que je l'ai fait, c'était par accident, genre quand tu te rases, accident de rasoir, tu coupes un gros bout de barbe que t'as pas prévu. Donc tu te dis, je peux pas rester comme ça, donc j'enlève entièrement. Quand j'ai vu la gueule qu'ont fait mes enfants et ma femme, j'ai pensé à prendre une chambre d'hôtel pendant quelques jours, le temps que ça repousse. Et pourtant, je pense qu'il veut aussi ton corps, parce qu'il dit « Pourtant, j'adore cette petite couleur poivre et sel. » Ah, bon, voilà. C'est un des sites... Ils l'ont dit, c'est le site de jeux vidéo le plus sain du monde francophone. Quoi. Voilà. Ça parle de Liane Folly et puis ça vire sur Erwan. C'est chouette. Coïncidence, je ne pense pas. Non, ok. Alors là, par contre, la question suivante, je pense que c'est plus pour nos petits derniers, parce qu'ils demandent qui de l'équipe a passé le plus de temps à essayer de regarder à travers les visières de Tina, Kazumi ou Leifang. Ah, j'ai eu peur, je pensais qu'il allait parler de douche encore, mais bon. je sais, mais je comprends mais pas la question, moi. C'était Dead or Alive, ça, non? C'est pas Beach Volley, là? Ah, mais je joue pas ce jeu. Ah, mais c'est Dead or Alive. Ah si, c'est ça, oui, ça concerne plus Euron, alors. Ouais, mais je connais pas le nom des personnages, moi, putain. C'est bah, Kazumi, c'est la fille aux cheveux roses. Ah, Kazumi, c'est la meuf, non, je retire ce que j'ai dit, je connais Kazumi. 95D, 90C et 110F. Ah, Kazumi. Ça te parle, ouais, voilà. Kazumi, c'est pas une actrice de porno française? Ah bah, je sais pas. Non, bah ça, je vais pas tout de suite, ça y est. Non, québécoise, non. Arrête d'être naïf, elle est asiatique. C'est une copine de Liane Feuille. Ouais, voilà. C'est surtout une excellente joueuse de volleyball. Alors toi, tu connais son. Qu'est-ce qui était raté, toi? Quoi? Leifang et Kazumi, ouais, quoi. Bon, en tout cas, il nous souligne quand même, hein, que réalisez-vous combien votre site est un vecteur d'amitié sur le live. Comme on le disait tout à l'heure. Vous êtes plus fort que mythique, les mecs. Mais exactement. Et on fait pas payer en plus. Hein. Alors après, ça devient un peu plus sérieux parce que monsieur Bout. Ouais, dommage. Il nous demande ce que vous pensez de l'E3 qui s'annonce. Vous avez un peu répondu tout à l'heure. Oui, bah, un petit peu. Et il vous demande aussi la réalité virtuelle. Est-ce que ça vous intéresse ou bien? Non. Ou bien, ouais. Non. Ah si, pas des masses. Alors je pense que Harold est intéressé, mais c'est pour le porno. oui. Alors, non, mais faut le dire, j'ai commencé à m'y intéresser très récemment parce que j'ai acheté un Galaxy S7 et que j'ai eu le Gear VR gratuit et que j'ai testé et je trouve ça hyper prometteur, vraiment très immersif. Ça fout un peu la gerbe au bout de 5 minutes, donc ma tolérance est assez limitée. C'est génial, ouais, c'est mais super. Ça a franchement une grosse ambiance. Quoi. Alors, comme je me suis renseigné dessus, j'ai eu le plaisir de voir que Marc Dorcel avait déjà fait des tests. Ouais. Pour des films de 5 minutes, ouais, par contre. Il a déjà été précurseur des films en 3D. Il a sorti une rubrique VR d'ailleurs. Ah, mais je vois que vous êtes vachement au fait de l'actu. Ah, bah... Je pense que c'est le. Donc, pour les mecs qui aiment pas qui y croient pas. Non mais, attends, si t'as une tolérance de 5 minutes et que tu te masturbes et que tu vomis, ça craint quand même. Ami du bon goût, bonjour. Et j'ai pas besoin de 5 minutes hein, pour ça craint plus ou moins suivant l'ordre dans lequel tu le fais. D'ailleurs, en parlant de bon goût, on nous demande aussi à quand le retour de la rubrique poil, couille et Pokémon. Ah, si j'avais plus de temps, putain. Ah, si j'avais plus de poils. Apparemment, selon certains visiteurs, Ron est bien fourni en poils, apparemment. Eh ouais, là, cette rubrique, je suis d'accord, il faudrait qu'on en fasse plus, mais bon. C'est vraiment du bonus pour nous, c'était pour rigoler pour nous. Ouais, c'est du bonus. Mais c'est vrai que cette rubrique, elle est bien, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui est écrit, c'est toujours linké sur jeuxvideo.com et t'as toujours des cons qui marchent, quoi. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la fameuse rédaction qui va le poster sur jeuxvideo.com. Hein. Ah non. Mais j'adore voir les. Après, tu sais, je vais regarder justement, j'aime bien. Moi. Je regarde les mecs qui font. Ouais, mais oui, c'est génial. C'est incroyable, c'est quand même pas possible, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Putain, mais c'est pas vrai, toi. Ah, c'est vrai, en fait, c'est autant pour divertir les lecteurs que pour vous divertir vous-même. Mais carrément. Ah bah oui, à la base, c'était nous qui... Bah c'est un délire, hein, c'est... Voilà. Ouais, inspiré sur du Gorafi. Bah, c'est ça, ouais. Ah ouais, le Gorafi de jeux vidéo. Le dernier qu'on a fait, bah, c'est Bilou, c'est toi qui as fait le dernier. Sur possible, oui. Il méritait bien, d'ailleurs. Ouais, bah ouais, carrément. Et les chiffres de vente m'ont donné raison, d'ailleurs. sinon, Work44 est un brave type puisqu'il nous dit vous êtes le seul site où je désactive Adblock. Ah, bah, ça c'est très bien. Bravo, bah, c'est bien. On va à l'E3, mec, merci. Voilà, c'est grâce à lui. Juste écoute, sans toi, il n'y aurait pas d'E3. Voilà. Ouais. On fera un carton merci. Merci personne. Work44. Et il nous demande aussi quel a été le pic de fréquentation le plus élevé du site sur une journée. À mon avis, ça a à voir avec GTA, non? Sur une journée, je sais pas. Ça doit être l'E3 dernier, peut-être, ou l'E3 encore d'avant. Moi, je me souviens encore quand on avait la version 1 du site et qu'on avait le nombre d'utilisateurs en ligne au même moment qui était inscrit. Et quand on arrivait à 97, on était comme des fous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On était des fous. Tu ressortais les anciennes captures d'écran. J'ai des captures d'écran. Les mecs, ça y est, personnes. On est arrivé à 30 000 visiteurs uniques. Ouais, champagne. Ouais, c'est vrai qu'au début, on se disait putain, on remplit un zénith, les mecs. Putain, on remplit un stade de France. Oh putain, on remplit ça, c'était délire quoi. Ah, c'est justement ça, sur notre question, il disait combien de visiteurs journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels. Bon, on va pas donner les chiffres précis, mais c'est vrai que l'augmentation a dû vous faire bizarre au fur et à mesure du temps. Bah au final, maintenant, limite, on s'en. Enfin, je sais pas, ça pourrait doubler, que ce serait bien, mais à force, on se rend peut-être plus compte du nombre que ça fait en vrai, je pense. Bah là, on remplit plusieurs stades de France quoi, tous les mois. Ouais. C'est pas mal. Ouais. En soi, c'est pas mal, hein. C'est déjà bien. Ouais. Bah ouais, quand même. En sachant d'où c'est parti, c'est vrai que c'est pas mal. Bah, en fait, on est sur des chiffres qui sont tout à fait comparables à des sites qui peuvent être professionnels, quoi. Bah, au boulot, on a un site qui fait des stats comparables où il y a deux personnes à temps plein qui sont payées pour le faire tourner. Donc, voilà, on rivalise avec des sites qui sont professionnels, en effet. Bravo. Oui. Bravo. On poil les couilles des Pokémon, quoi. Ouais. Et il nous demande aussi le nombre de jeux testés depuis les débuts du site. Alors, on est dans un paquet. Wow. Hein. Alors, il y a Terminator Renaissance. Ouais, j'ai pas mon petit tableau, j'en rappelle plus, mais on a dépassé une bonne quinzaine, une grosse quinzaine. Putain, par jour. Il y a des mois où on a posté 30 tests. Oh putain. Ouais, non, on a vraiment baboulé hein, là-dessus, je sais pas combien on en est. Putain, c'est con, j'ai pas assez de réponses que si j'avais regardé avant, je l'aurais eu. Ça doit être peut-être 400, un truc comme ça, quoi. Depuis le début ? Ah non, depuis le début, c'est plus. J'ai l'impression d'avoir lu l'équivalent de la Bible 100 fois. Non, mais c'est possible. Non, 400, je dis des conneries, puisque à moi seul, j'avais regardé une fois et je dépassais les 200 tests pour moi. Ah bah ouais. Mmh. Donc, Jarel, il en a fait aussi une paille. C'était Stéphane, on a fait pas Stéphane, mal. Pareil. Ouais. Donc, on est sur. Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est plutôt 600 tests, quoi. Un truc comme ça. Qu'on dû être publié. Donc, c'est vraiment beaucoup. Hein. Ça donne une belle expérience au final. Hein, quand on combine tout, on se rend compte quand même que vous avez dû en manger pas mal. Et on comprend que certains aient envie des fois de passer à côté comme Ron après, enfin passer à autre chose, pardon. Ouais, c'est ça, parce que moi j'aimais bien faire ça, hein, mais voilà, c'est au bout d'un moment, enfin je disais, ça fait quand même beaucoup quoi. Je pense que j'ai fait plus de tests que pas mal de pros qui font des tests. Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ils finissent pas leur jeu. Ah ouais. Salaud. Ceci est un autre débat. Et justement, par rapport à ça, il nous demande aussi est-ce que c'est pas trop dur de concilier vie privée, professionnelle avec le site ? Et est-ce que vous avez déjà pensé une fois à stopper le site ? Oh bah ouais, c'est ça, c'est pensé, on l'a tous pensé. C'est moi, c'est je l'ai logique, fait. Quoi. J'ai passé. Là. Attendez, excusez-moi, je reviens sur mes chiffres. Depuis la V2, on a dépassé les 1000 et ça comprend pas la V1. Ah oui. Depuis la V2, on a dépassé les 1000. Ah quand même. Les 1000 louis ? Ouais. Oh putain, heureusement que tu es là. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas dépassé. Ah, c'est quand même pas mal, hein, 1000. Alors je ne sais pas combien il y a eu de jeux au total. En tout, ça doit être du coup, on doit être à 1250 maintenant, un truc comme ça, quoi. Ah bah c'est pas mal du tout. Hein. Donc on parle d'une putain de base de données quand même. C'est impressionnant. D'ailleurs, on va tout revendre et tout se casser au Bahamas. C'est vrai que Tom Chou, tu as déjà dit hein, que des fois, on a déjà demandé hein, si tu vendais le site. Ah ouais, bah, on a toujours refusé. Il y a Bolloré qui est sur le coup, je crois. C'est ça. Ouais, bon, on attend la belle offre. Quoi. Mais d'abord, il veut racheter Rhône, Bolloré, pour... Rhône et JC, je crois. Non, on va aller bosser pour le Stade Rennais, là-bas. Mais bon, voilà, on a dit de toute façon qu'on n'acceptait pas en dessous de 10 millions. Voilà. Et c'est ça, on avait dit 10 ou 12, je ne me rappelle plus. 12. Je crois que 10, mais vraiment, vraiment en dernier quart. Ouais, vraiment en dernier quart. Il faut mieux un peu se battre dessus. Il faut mieux monter un peu, quoi. Là, on verra. 10 millions et un HoloLens, allez. Allez. Et d'ailleurs, vous y croyez alors à HoloLens ? Bah, c'est pour dans 5 ans, donc... Bah, il y a encore le temps de voir venir. On a, ouais. Ouais, c'est ça, on a le temps. Si on sera passé à autre chose. Quoi. Vous croyez qu'ils vont mettre le projet Milo sur le HoloLens ou pas? Ça dépend s'il y a Marc Dorcel dessus. Quoi. Peut-être avec Milo Expert Dorcel, ça ouais, j'osais rien dire. La loi est contre toi, je crois. Allez, on finit le dernier commentaire de Texas Ranger, qui est aussi un grand... Ah, la classe. Ouais, je me demande pourquoi tu l'as gardé en dernier, Texas Ranger. Bah, parce que c'est le dernier à être arrivé, tout simplement, voilà. Ouais, mytho. Non, je te jure, tu peux aller voir, je ne mens pas. Pourtant, il y a la classe, une barbe, un beau chapeau de cow-boy et un joli mulet. Il est marrant, Texas Ranger, je l'aime bien, ce mot. Ouais. Il a l'air fou, un peu. Il sort souvent des vannes qui sont vraiment pas mal. Et ben en tout cas, lui, il vous dit merci du fond du cœur pour ce que vous faites. S'il vous plaît, ne changez pas et j'espère être encore présent pour les 20 ans. Ben, j'espère qu'on sera là aussi. Oh, c'est super original comme dernier truc. Dis donc. Ah, bravo. Non, finalement, je sais pas si on a bien fait de l'inviter. On nous dit que le mec il est drôle et tout, puis il dit quoi. Ouais, on va peut-être couper le petit commentaire sur le mec qui sort des bonnes vannes et tout, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est pas la vanne la plus atomique qu'on ait entendue, quoi. Ah, il commence son commentaire en disant « Eux, qui sont les snorkies ?» Ah, c'est mieux. Oui. Okay. Ah, c'est mieux. Pourquoi tu l'as pas dit, ça? Parce que je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Parce qu'il connaît pas la réponse. C'est les snorkies. C'est parce qu'il connaît pas la réponse. Qui sont les snorkies? Qui Mais Bilou, t'as pas eu d'enfance. Incroyable. Non, ça aussi, mais je faisais des trucs de qualité, ouais, à cette époque-là. Il regardait Chuck Norris. Le mec, il collectionnait les timbres, toi, peut-être à l'époque. Je sais absolument pas de quoi vous parlez. Il regardait Cobra. Les snorkies, c'est quand même important. Bah, c'est moi qui sont les snorkies. Attends, c'est quoi ça? 86, j'étais pas né. Mais c'est un dessin animé. Bientôt, tu vas me dire que tu connais pas les Chevaliers de Zodiac et Dragon Ball. Si, c'est à ma copine, m'en parle souvent. Ta copine t'en parle? Ah oui. Attends, là, je crois que t'as fait une erreur parce que là, mon ami, Harold, il va te casser les murs. T'as copine, te piquer ta copine déjà. C'est quoi? Il va te piquer ta copine déjà. Et en tout cas, allez, pour conclure, il nous dit au plaisir de vous croiser un jour. Ainsi que les oufs du site, hein, comme quoi un peu les gens se rencontrent et s'apprécient quand même, hein, même si des fois il y a un peu de prise de tête, mais au final pas tant que ça, hein, dans les commentaires. Non, pas tant que ça, on a juste quand même un ou deux crétins, mais pour moi, j'aurais pas dû dire ça. On les nommera pas comme ça. Ouais, voilà, on les nommera pas. On va pas leur donner cette célébrité. Mais en tout cas, il dit qu'il espère vous croiser un jour autour d'un bon verre, un bon repas et refaire le monde du jeu vidéo. Bah ouais, pourquoi pas un cassoulet à Toulouse, hein. S'il y a du fromage, pourquoi pas. Bah, c'est une invitation, hein. Sinon on peut être libre. Ouais, mais hein, pas à Tom, il paraît qu'il arrête pas de péter. Ah oui, abusé que c'est pas terrible. Un cassoulet, non, c'est déconseillé. C'est et donc, alors, non. Pour conclure cette petite soirée, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose là, pour conclure un petit peu sur ces 10 ans, ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir pour la suite? Bah, les 12 millions, hein. C'est un mercenaire, ce type. Parce que, voilà. Tout le monde a un prix, hein, voilà, moi. Si jamais il y en a un qui a 12 millions, qui sait pas quoi en faire, écoute. On ouvre un PS4 6Gen et puis comme tout le monde est à la solde de Sony. Exactement, comme ça après on peut revendre PS4 6Gen 30 millions. Je suis pas sûr que vous aurez le courage de supporter la communauté. Ah, Sony, ce sera dur. Hein. Déjà, ça voudrait dire supporter la manette de la console, ce qui serait assez compliqué. Mais ouais, la communauté serait compliquée. Peut-être que la manette. Peut-être que la manette de la PS4.5 sera meilleure. Ah, c'est possible, ça. Tout est possible. Après elle a tellement changé depuis la PlayStation, cette manette. Bien sûr. Vous êtes méchant. Il paraît qu'elle fait du bruit, maintenant. Regardez ce pavé tactile, non, incroyable. Elle fait de la lumière. Ah, c'est la carotte du siècle. Elle peut servir de lampe torche. Bon, en tout cas, ce sera sûrement mieux que le rétroviseur de Nintendo, quoi. Ah, peut-être. Ben, on avait eu un boomerang en prototype à l'époque aussi. Ah, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Ils ont essayé. Ah, comme tout le monde a gueulé, mais ils sont revenus au truc habituel. Quand ils ont vu qu'on avait 10 doigts, en fait, ils ont fait « Ah, non !» Quand ils ont vu qu'ils revenaient pas, ils ont laissé tomber. ils ont fait un essai, mais c'était près d'un lac. Pas de bol. Ah, ce troll gratuit, c'est beau, c'est formidable. C'est l'air du motion gaming. Non. Bah, ça fait du bien, mais en même temps, c'est pour ça que je crois qu'on aurait du mal à être un site... PlayStation, je sais pas si on peut avoir cette liberté de parole quand on traite Sony, quoi. Non, c'est vrai que c'est plus compliqué selon les consoles. C'est malheureux à dire, mais bon, c'est vrai que... Eh ben, profitons de ce qu'on a, nous, on n'en a rien à faire. On reste, c'est ça qui est la beauté du truc. On est indépendant, donc on dit exactement ce qu'on veut. Et on continuera. Oh, c'est beau. On a quand même beaucoup critiqué Microsoft à l'époque quand ils ont annoncé leur Xbox One. Hein. Il y en a plein qui l'oublient. On n'a pas attendu ça. On a critiqué beaucoup la 360 à l'époque du ROD. On a beaucoup critiqué la politique de Microsoft sur la 360 aussi. Enfin, dans mes éditos, je ne suis pas privé. On ne peut pas dire qu'on soit très aveuglément ami de Microsoft. Non. Par contre, je suis un peu déçu, il n'y a aucun lecteur qui a demandé si le site tournait en 1080p 60fps. Ouais. je suis très déçu. Bah, c'est un site Xbox, hein, donc il tourne en 900p. Ouais. Au max. 4 frames mises. Ouais, avec 4 frames, c'est ça. Ah, c'est la nouveauté maintenant, c'est le youtubeur et la résolution. Ouais, voilà. Ouais. Très déçu. Enfin, moi, j'espère vraiment qu'on aura une mode. Tiens, voilà, j'aimerais qu'il y ait ça dans cette année. Qu'on nous fasse autant chier avec DirectX 12 qu'avec la résolution de 1080p. Que ce soit la nouvelle mode. Ah, ton truc, il tourne pas sur DirectX, c'est de la merde. Ah, j'aimerais ça. Voilà mon vœu pour 2016. Chers lecteurs, chers auditeurs, si vous entendez ça, à partir d'aujourd'hui, pourrissez les forums de jeux vidéo du monde entier en parlant de DirectX. Changeons un petit peu de truc chiant. Ah, on va être les lanceurs d'une nouvelle mode. Ouais. Eh bien, on va conclure sur ces belles paroles. J'espère que vous aurez passé un bon moment là avec nous, toutes ces blagues, ces non-blagues. J'espère que vous aimerez toujours autant le site malgré toutes ces vannes. Et si jamais vous êtes perdu ici alors que vous adorez Sony, ne vous inquiétez pas, on n'est pas si méchant que ça. Oh si, et puis quand même, on est méchant. En fait, eh bien, en tout cas, j'espère que les auditeurs aussi aimeront la suite un peu des festivités, on va dire, pour les 10 ans, parce que je sais que vous préparez encore des choses pour la suite. Bah, gâteau, quoi. Ceux qui en veulent doivent faire signe, on leur enverra par la poste. Et bien, en tout cas, j'étais très content de faire ça avec vous. J'espère que vous aussi, vous étiez très content un peu de remémorer un peu tout ça, de partager un peu toutes ces expériences, de faire découvrir la face cachée un peu du site et pas la face cachée de Tom Jou, parce que ça, on la connaît déjà. Ah, toi, surtout. Bah, Internet en entier, là, c'est. Hein, puisque t'en as fait un poster, toi, depuis le temps, là. Ouais, j'aurais dû. On aurait une rédaction, je pense que je l'aurais fait un poster, ouais, mis dedans. Pourquoi t'insister sur rédaction comme ça? Incroyable, l'humour fin sans le jouer. Voilà, maintenant vous savez la vérité, vous savez ce qu'on endure depuis 10 ans. C'est extraordinaire. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus. Et puis en tout cas, je pense que toute la rédaction joint à moi pour vous remercier pour être là depuis 10 ans, pour certains depuis quelques mois. Mais en tout cas, j'espère que vous resterez encore un bon bout de temps. Et si jamais le site ne vous plaît pas, allez ailleurs. Si vous avez trop de pubs, dites-le nous aussi. Si un truc ne vous plaît pas, dites-le, mais on s'en foutra sûrement, c'est possible. Il faut se plaindre à la rédaction. Voilà, la rédaction. Voilà. Envoyez un mail à redaction@xoxygène.com. C'est la fini avec JC. Voilà. Je pense qu'on redirigera tous les mails, je ne sais pas à qui d'ailleurs, quelqu'un qui ne devait pas être là aujourd'hui. Mais en tout cas, on était très contents. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. À chaque fois, on rigole bien, comme d'habitude. Bah oui. C'est vrai. Que ce soit en audio ou en vrai, parce que bon, faut quand même préciser aux gens que bon, c'est quand même vu plusieurs fois en vrai, mais pas tant que ça, hein, mais on a quand même toujours réussi à faire du bon boulot au final, comme quoi c'est possible à distance. Cet été, normalement, on se fait un truc, quoi. Bah, ce serait bien, ouais. On a qu'un week-end en commun. Ouais, il faut encore trouver, ouais, parce que ouais, déjà là, trouver quelques heures au soir, c'était compliqué, alors trouver plusieurs jours, hein, c'est encore une autre histoire. Mais oui, on se voit, on sait à quoi on ressemble, hein, on s'est déjà touché, pas de soucis. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, absolument. Rappelle-toi, on est sur un site sain. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Un site sain. Sain avec un A. Bon, on vous fait des bisous et puis on vous dit à bientôt sur le site. Et puis continuez de cliquer, n'oubliez pas les petites pubs et nous rapporter les sous pour aller à l'E3. Allez, salut. Merci à tous. Bisous. Bonne soirée. Ciao. Faut toujours qu'il fasse le malin dire ciao à la fin, lui. Ciao. Toujours pour avoir le dernier mot, en fait. Ouais, c'est ça, je peux avoir le dernier mot. C'est moi le chef, c'est moi. Ciao à la fin. Ciao. Non, j'étais en train de parler. Au revoir. Non, on a arrêté l'enregistrement là. Salut. Arrive, arrêtez. Hasta luego. N'importe. Oh putain. Putain, on y est arrivé quand même. Bilou, bienvenue dans le monde très compliqué de l'animation des podcasts. Oui, bah surtout avec une bande de bras cassés pareil, putain.